Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. Tu parles. C'est très, très impressionnant. Non, non. Ouais, ah non, même pas, parce qu'il y a une... Bonjour, bonsoir. Parlez. Parlez. Ah, voilà, ouais, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, quatre personnes m'accompagnent autour de la table. Tout d'abord, comédienne. Quoi, tu rigoles tout de suite, toi? Tu t'étouffes. Parce que je fais des breaks avec mes glaçons, pardon. Mais c'est pas grave, tu sais, ça donne une ambiance. Oui. Tu sais, les gens, la terrasse, ça leur manque. En fait. Donc si tu peux leur offrir ça, c'est un peu de l'ASMR. On a aucun masque et on est dans un resto. Comment? J'ai dit, on a aucun masque, on est dans un resto. Comédienne et auteur, son compte Instagram Les Caractères a explosé depuis le confinement. Déjà comédienne et scénariste avant, on pourra retrouver son travail prochainement dans la nouvelle série de Fanny Herrero sur Netflix. Le nom Les Caractères lui a été inspiré par le livre de La Bruyère, ce qui en fait immédiatement l'invitée la plus cultivée de l'histoire de podcast. C'est Lison Daniel. Ouais, merci. Il est musicien, producteur de musique disque jockey. Quoi? En plus de ses différents EP pour Club Cheval ou en solo, il a travaillé avec Mylan, SCH ou encore Squeezie. Ouf, son premier album, Born Loser, est sorti vendredi. Bah oui, parce qu'on est dans le futur en fait. Oh. Et à défaut de festival cet été, vous pourrez le retrouver sur toutes les stories, que ce soit autour d'un barbecue ou en bord de piscine ou à travers la fenêtre d'une bagnole pour filmer le paysage. C'est Mid. Bonjour, ouais. bonjour. Et... Pardon. J'ai chaud. T'allais dire quoi? Je veux dire, t'as un point commun avec Yvick, parce que Yvick, il a un tatouage. Mais non. Et toi, tu as un tatouage tatou. Eh ben, j'ai jamais vu. Ah, parce que t'es international. Il s'est sûrement inspiré. Tu l'as fait quand? Il l'a copié sur toi, il m'a dit. Je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Eh bien, il l'a copié. Heureusement. Yvick avait 6 ans à l'époque. Call out déjà dans cet épisode, très très tôt. Comédienne et auteur, vous l'avez peut-être vu passer chez Golden Moustache, sur Quotidien ou dans votre feed Insta. Récemment, elle s'est illustrée. J'ai dit feed Insta, bah, je suis jeune en non, fait. N'essaye même pas. Jeunes. Récemment, elle s'est illustrée dans un des courts-métrages de 6 fois confiné sur Canal+, ou dans le mockumentaire Behind the Scene d'Antoine Bess. Oh, prochainement, on la retrouvera non seulement au cinéma dans le prochain Astérix et Obélix, mais également sur scène, où elle jouera son premier spectacle. Beaucoup de nomades. Elle fait trop réaction depuis tout à l'heure quand même. Autant vous dire que son avenir est plus radieux que le soleil lui-même, c'est Laura Felpin. Oh là là là là là. Plus rapide que l'éclair dans un monde infernal, il s'en va faire la guerre aux forces du mal. À l'instant critique où tout le monde craque, sa technique c'est l'attaque. Adrien Méniel, Ranger du risque. Ces intros sont magnifiques. Mon but est de finir sur RTL, vous m'entendez? Je fais tout pour ça. Pour commencer, alors on va faire le petit jeu autour de l'actualité, l'actualité un peu insolite. À votre avis, quelle technique a mis en place un couple récemment pour devenir riche? Travailler. Non. Non. Est-ce que travailler? Je vais poser la question habituelle. Est-ce que c'est un rapport avec le Covid? Non, pas du tout. Donc c'est un rapport avec l'actualité? Quoi? Est-ce que c'est un rapport avec l'actualité, pas forcément non. sanitaire hein. Non, pas du tout. C'est juste une technique qu'ils ont trouvée. Est-ce que c'est des vidéos sur Internet? Ce ne sont pas des vidéos sur Internet. Est-ce qu'il y a une forme d'arnaque? Il y a une arnaque. Okay. Est-ce qu'il s'agit de coupons réduction? Tu veux dire chez Action peut-être? Non, il n'y a pas de coupons de réduction. Est-ce que c'est un peu olé olé? Ça n'a rien d'olé d'olé. Ils sont quelle nationalité? Ça peut peut-être nous aider. Écoute, ils sont, tu m'en poses une bonne, attends, taïwanais. Ah, ils viennent de Taïwan. Okay. Est-ce que c'est. J'ai aimé le. Ah, alors que t'avais rien. Non, j'avais rien. Mais Lison, on t'écoute. Est-ce que c'est de la, un truc de vente par correspondance? Pas du tout. Réfléchis deux fois. J'avoue, c'est ça. Attends, c'est pas ce mec qui avait 35 petites copines et qui se faisait offrir des cadeaux. Alors, c'est pas ça. Par contre, tu as baisé le truc d'après, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais non, en l'occurrence, c'était pas ça, lui. Tout le monde l'a vu. Mais oui, tout le monde l'a vu. Bravo. Ménard trash. C'est sur internet? Non, pas du tout. Oui. Le côté couple est capital dans cette arnaque. D'accord. Voilà. Est-ce que il se faisait passer pour des petits enfants de vieux en échange d'argent? Ah oui, non, d'accord. Je crois que c'est non, mais tu vois, tu joues le rôle. Il joue à la Marelle. Des vieux qui n'ont pas de petits enfants. Non. Est-ce que c'est illégal? Eh bien, apparemment, c'est pas spécialement illégal, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, apparemment. Ça se fait pas. La okay. Direction générale du travail de Taipei a dit que ça se faisait pas. Voilà. Ok. Ils ont foncé les sourcils, là, fortement. Ouais, ouais. Ils ont mis leurs poings sur leurs hanches, comme ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ils ont vendu, par exemple, ils ont vendu, je sais pas, leurs spermatozoïdes et leurs... Non, non, non, non. Ah, c'est par rapport au fait de... Est-ce qu'on peut avoir un indice? Mais ça va pas ou quoi? attends. Si, si, j'allais vous amener justement sur un indice, c'est par rapport au mariage. Oui, c'est un truc avec le divorce, peut-être? Pas le divorce. Ils ont fait comme s'ils se mariaient plein de fois pour demander des cadeaux. Les listes de mariage. Alors, vous êtes presque, mais je vous l'accorde, parce que c'est vraiment pas très loin. Ils se sont remariés 4 fois en un mois pour obtenir plus de congés payés. Ça ne se fait pas. Désireux de tirer le meilleur parti des congés attribués aux jeunes mariés, un couple taïwanais a trouvé un moyen singulier de maximiser sa lune de miel en se mariant 4 fois en un peu plus d'un mois. Cela est-ce possible? Mais oui, c'est, genre, ça, quand tu divorces, ça n'annule pas tes congés. Genre, ils ont trouvé quand même une faille pas mal. C'est sur une période de 37 jours. Ils se sont mariés 4 fois et divorcés 3, réclamant 8 jours pour chacune de leurs noces. La banque a refusé sa demande et l'employé a fait appel à la direction générale du travail de Taipei, qui a d'abord infligé à son employeur une amende de 20 000 $ taïwanais. Ah. C'est 500 balles, hein, mais bon. 20 000 $. Ah oui, d'accord. C'était pas mal. Ah. C'était un peu biaisé quand t'as dit devenir riche. Oui, ils ont essayé. Pour moi, c'est déjà énorme, d'accord. Mais c'était pas pour devenir riche, c'était pour passer des plus longues lunes de miel, en fait, non? Non, c'était aussi pour avoir de l'argent. Ton anecdote est mauvaise. Elle met une sale ambiance. Ouais, voilà. Très tôt. Déjà que la deuxième est flinguée à cause de Lison, détruisez cette émission. Selon vous, quelles sont les 10 chansons qui rendent le plus heureux selon, et alors c'est pas n'importe quoi, la science, vous entendez? Ah, alors, est-ce qu'il y a Don't Stop Me Now de Queen? Il y a Don't Stop Me Now de Queen. Elle est dixième, dis-toi. Pardon, et si j'ai pas écouté, tu peux redire? Pardon, je suis vraiment désolée. Tu es horrible, Laura. Non, pardon. Tu es épuisée, je pense. Oui, il faut dire que tu nous rejoins après une journée entière de podcast déjà. Exact. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. T'es dans la lune ou je rêve? Oh, alors là, vous comprendrez cette blague à rebours, j'ai l'impression. Vous la trouverez pas drôle, même quand tu ne vas pas vouloir. Oui, ce sera pas une surprise dingue. Voilà, c'est pas. Ah oui, c'était pour ça. Le summum de la réaction sera ça. Quelles sont, Laura, les 10 chansons qui rendent le plus heureux selon la science? Sun de Mead. Oh, je l'ai entendu hier en plus. Attends, c'est pas un organisme français, hein, qui a... C'est international. Non, mais c'est des Américains qui ont. C'est international. Est-ce qu'il y a Non, Mead, c'est pas toi, non. Est-ce qu'il y a Happy de Pharrell Williams? Il n'y a pas Happy de Pharrell Williams. Est-ce qu'il y a du Lady Gaga? Il n'y a pas. Il y a des Beatles, ça fonce. Ah. Il n'y a pas les Beatles. Les Rolling Stones, quoi? Beach Boys. Beach Boys. Oui, Would It Be Nice? Non. Oh. God Only Knows? Non. Surfing USA? C'est Good Vibrations. Oh, ah, ouais. Mais j'allais dire, laisse-moi. Mais... En apesanteur de Calogero. Bah, elle est 11e. Elle était à ça d'y passer. Avec une actrice très connue dans En apesanteur. Ah, c'est qui déjà? Mélanie Douté, je crois. J'invente complètement. T'inquiète pas, il n'y a pas de galère. Je crois que c'est Mélanie Douté. Je vérifierai. Tu serais pas en train de douter? Oui. Excusez-moi, on se régale? La moitié des gens présents se régalent. Enfin, nous deux en fait. Laura et moi. On rigole, mais on voit pas. C'est le masque, tu sais. Mais ouais. On est tous morts de rire. Il y a le bandeau, il y a le large masque. Je suis trop fatigué, je pense que je vais tout rire. C'est bien, mais tout rire. Je vais rire tout ce qui arrive. Je vais rire de tout ce qui arrive. En tout cas, c'est un. Comment dire, ça a débuté il y a quelques années et le sondage présente quand même un peu des chansons à l'ancienne. Hein. On n'a rien de très récent. Hein. Est-ce qu'on a aussi, peut-être, je dirais. Ciel bleu. Non, je suis que plus dépressif. Je ne regrette rien. Mad World. Est-ce qu'on a. Alléluia de Jeff Buckley. Alors, c'est. Bon, c'est international. Attends, on en a deux là pour l'instant. Vous en avez deux. Vous avez Queen, Beach Boys, Comment, mais c'est une bonne technique. Commencez par les artistes qui pourraient. Est-ce qu'il y a de la chanson classique? Il y a pas de chanson classique. C'est vraiment que du pop. Est-ce qu'il y a de Michael Jackson? Michael Jackson. Il y a pas Michael Jackson. Il y a Elton John. Il y a pas Elton John. Quoi? Il y a Prince. Elton John. Il y a pas Prince. Wham. Il y a qui? Non, c'est la science. Il y a pas Stevie Wonder. Ah, joli. Pas Stevie Wonder. Il y a David Bowie. Non plus. Non. Quoi, je suis dans l'espace et je suis triste. Ok. Là, j'en connais un dans le ciel, il va pas dormir. De savoir que Méniel l'aime pas. Je dis pas, je dis que c'est pas joyeux. Il se justifie au cas où. Si tu nous écoutes, David. En vrai, j'aime pas trop. En vrai, j'aime pas trop. Attends, est-ce qu'on peut avoir un indice? Ouais, bien sûr. Non, non, mais en fait, c'est des chansons extrêmement connues. Extrêmement hein, connues. Ouais, ouais, mais on a. Je vous en donne une petite, par exemple. Un Nougaro. Un Wills. Ah oui, c'est ça. Bien sûr, c'est quand même une chanson de colère. Elle rend pas très heureuse. First, I was afraid, I was petrified. Mais ça, ça donne de la force, tu vois ce que je veux dire. Ça donne de l'espoir, bien sûr, ma puce. Mais ah, mais ça, faut penser à ça aussi, Laurent. Bien sûr, je vous écoute, ils sont plus forts aussi. Alors, donc, I Will Survive. Ah, il doit y avoir des trucs. Trio. La main verte. Il doit y avoir du disco, des trucs un peu disco. T'as sorti la main verte. T'as même pas sorti Désolé pour hier soir. T'as sorti la main verte. C'est des classiques. Peut-être Désolé pour hier soir, mais la version avec McFly et Carlito. Non, c'est pas ça non plus. C'est Non, mais ouais, mais elle met une patate, moi, c'est fou. Il y a Levin and a Prayer de Bon Jovi. Il y a pas du disco un peu? Il y a du disco. Il y a pas Bonhomme. Abba. Il y a Abba. Ah, voilà, voilà. Dancing Queen. Dancing Queen. Dancing Queen. Dancing Queen. C'est Dancing Queen, exactement. Vous avez vu, je pensais que je le reprendre pour aucun moment. Pour moi, il y aurait tout Abba. Tu serais super à La Fureur d'Arthur. Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission, elle me manque chaque jour. Ah, moi j'ai vu la brosse à dents il y a pas longtemps de Nagui. Ah, mais ça, je crois que ça a pas bien vieilli. Si, c'est toujours bien. Sacré folie, quoi. Il se passait n'importe quoi. Non, c'est ce qui était assez. Ouais. En backstage. C'est oui, ça. En voix, et ouais. Il avait un micro en forme de flingue. Forme de ce qui était assez excellent. Ouais, mais c'est oppressant, ouais, en fait. Parce que du coup, ouais, tu sais, ouais, il est vraiment comme ça devant des gens. Bah, c'était la joke, mais la blague est assez drôle, en vrai. Et j'ai revu Qui est qui également, qui est une excellente émission de divertissement. Je m'en rappelle même pas qui est qui. En gros, il y avait plein de gens qui avaient des. Se bat contre les stéréotypes. T'as des gens qui, tu sais, qui avaient des métiers. On savait pas qui c'était. Et la personne disait, bah, pour 45 000 points. Je dis que Francis est boulanger. Elle posait une question à Francis, il disait avec de la farine de quoi on fait machin. Et après ils avaient des épreuves. Ouais, c'est super. Et ils faisaient faire du pain ou. C'était Marie-Ange Nardi. C'est ça. Oui. Et par contre il y avait genre des. Là y a, j'ai vu qu'il y avait par exemple des professions genre contrôleuse de gestion à la CAF de Paris. Et genre les questions c'était affreux, tu vois. Genre quels sont les congés maternité autorisés pour une femme entre 75 et 78? Et surtout la personne elle dit ouais, c'est ça. La personne répond, tu fais bah j'ai aucun. Et puis, c'est pas. Et puis c'était Arletty apparemment en plus. C'était qu'est-ce que tu racontes? Et oui, puis donc... Pyramide aussi, une émission qui a pas vieilli. Ouais. Non, bien sûr. Qui a très bien vieilli. J'ai vu l'extrait notamment avec Pépita. Bah, c'est ça, c'est horrible, infect. Bon, je vous donne les autres, écoutez. Allez. Mais en plus, c'est vraiment. Je suis dégoûté. T'as un peu envie de dire à la science. Y'a pas du Cool and the Gang un peu? Un truc Un truc Non, je sais pas, Cool and the Gang. Non, je sais pas, je dis des trucs. September, sinon de Earth, Wind and Fire. Non, mais y'a Katrina and the Waves. Ah, mais oui, Walking on Sunshine. Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est la science qui a acté ça. Et tu dis n'importe quel gars qui fait un nouvel an, on dit les mêmes chansons, on a vraiment dit les mêmes chansons. Ou une playlist Spotify qui s'appelle Sunshine. Ou ouais, c'est truc, ça. Feeling happy. Ouais. C'est l'été, point d'exclamation. Trajet au boulot. Tu prends une des chansons et tu fais la radio Spotify. Il faut savoir que quand tu sors un morceau, donc Spotify te prévient quand t'es dans des grosses playlists. Ouais. Ah. Et donc t'es censé te réjouir quand tu reçois un truc genre. Matin ensoleillé. Vous êtes rentré dans la playlist Matin ensoleillé et tu reçois un mail de ta maison de disque qui disent t'es rentré dans la playlist Matin ensoleillé. Félicitations. Ce soir c'est champagne. Est-ce que t'es dans une playlist comme ça? Je suis dans beaucoup de playlists. Genre le trajet au boulot, comme je crois que j'y étais très longtemps. Ah putain, et c'est dur. Bah c'est dur, mais c'est mieux que chanson en fait, calme pour se concentrer. Tu oui. Pourquoi pas? Ou chanson pour se suicider quoi. Chanson pour s'endormir. C'est vrai. Les pires merdes. Oh, Spotify, un peu dur. Oh, cette playlist est un peu dure. Uniquement pour masquer le bruit de la circulation. Je te chie à la gueule. C'est une super playlist. Donc il y a Living on a Prayer de Bon Jovi, Girls Just Wanna Have Fun. Non, non, non, non, attends, attends. Quoi, bon quoi Jovi. Pas Bon Jovi. C'est la science, non. Mon pote. Non, c'est non, la science. Mais, c'est... On a... mais ils ont testé sur des rats avec des électrodes. Ou alors Bon Jovi, ou alors Bon Jovi dans Ally McBeal. Ça, c'est oui. Non, c'est là, c'est Living on a Prayer. Living on a Prayer. Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. I'm a Believer de The Monkees. Est-ce qu'il y a Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody ou pas? Pas du tout. J'annule cette liste. Tu la cancel? Tu entends cancel? Je cancel cette liste. Et toute la science. Le Covid n'existe pas. I'm a Believer de The Monkees, donc le générique de fin de Shrek. Eye of the Tiger de Survivor. Uptown Girl de Billy Joel. Ça, c'est pas mal. Uptown Girl. Eye of the Tiger. Bon, ça de la pêche, mais ça rend pas heureux. Et après, bah, les trois que vous avez. Quand t'as la pêche, t'es pas heureux, toi? C'est pas pareil. T'as la pêche nostalgique, toi? Non, mais ça donne envie de te bagarrer, quoi. Plus. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, t'as une rage en toi. T'as beaucoup de haine, t'as beaucoup de colère. J'ai une rage. Il y a beaucoup de gens autour de toi, je le remarque. Donc, ouais, vous avez. Personne ne dit rien. Ça va être... L'œil s'est éteint. Ça va être tellement chiant à monter, putain, mes pauvres. Ah non, oh là là. Il n'y a pas une coupure pour l'instant. Je touche rien. Ah ouais, la vache. Ah ouais, non. Non. Attends, nous, ça fait des années qu'on déroule du câble. Je peux te dire qu'un début comme ça, il y a zéro coupe. Ça, c'est dans son jus, de toute façon. C'est ce qu'ils veulent, les gens. Tout est monté tout le temps avec les stories, les trucs. Là, ils adorent, les gens. Une chanson, vous, qui vous rend heureux comme ça, à brûle pour point, Adrien? Oh bah, je sais pas, moi. Ah bah. Toutes celles que t'as cité, toutes celles que t'as cité. Oui, à Whitney Houston. Il a si peu de capacité être heureux. Vas-y, vas-y. Je sais pas, moi, putain. Non, non, vas-y, mais là, brûle pour point. Vas-y, au lieu de te foutre de ma gueule. Vas-y, en mieux sec, peut-être. Alors, moi, c'est une chanson de Francis Cabrel. Laquelle? Qui s'appelle Le reste du temps. Et qui est pas très... Mais elle te met bien. Ouais, mais smooth. Pas du tout. Alors que Le temps qui reste, elle est très déprimante. Ah non, mais Cabrel, il y a quand même pas mal de trucs déprimants, quoi. Non, non, mais pas, ouais, pas dites vos chansons. j'ai. C'est de Reggie, tu vois. Ça rappelle Katie Amo de Richie. Ah ouais, grave. Ah ouais. Là, on fout moins de ma gueule. Ça, déjà. Katie. Ah bah, toute la pop italienne, c'est génial, toi. Ça tue à chaque fois. Ça met trop bonne humeur, ouais. Toi? Moi, je dirais. Ah, j'ai un morceau que j'adore qui s'appelle Pour la fin du monde de Gérard Palapra. Je vous invite à l'écouter. Ouais. Il est assez excellent. C'est une chanson de hippie, peut-être un peu chrétien comme ça. Et ça raconte « Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. » Oh, attends. C'est qu'en plus, il est poète. Pourquoi j'ai déjà entendu? J'ai l'impression que t'en as déjà parlé. Non, j'en ai déjà parlé ici, peut-être. Non, mais attends. Ça a l'air très niche, mais ça. Mais c'est une chanson que j'attends. Je vous invite à l'écouter, elle est assez excellente. On la mettra en fin d'épisode. Ah, on peut plus. Non, on peut plus. Non, en fait, moi, je veux changer. Moi, je veux dire « What a life » de Scarlett Pleasure, qui est la BO de « Drunk ». Mais toi tu regardes, ça, c'est génial. Et toi tu regardes Glee, tu dois avoir un milliard de chansons. Non mais tu dois avoir un milliard. Living. Don't voilà. Stop Believing. Moi je pensais qu'elle y serait, moi, Don't Stop Believing, parce que moi je m'aimais bien l'appel. Est-ce qu'il y a un peu un côté nostalgique quand ouais, même qui est pas de la pure joie, quoi. C'est comme, vrai. C'est un père Katie Amo, pardon, mais là t'es sur les routes du sud avec ta bagnole. Et toi, Lison, c'est quoi? Moi j'en ai plein, mais là il y en a une qui me rend très heureuse en ce moment, mais je sais pas du tout comment ça se prononce. Bon, c'est pas. Tu parles pas allemand, toi? Einbichin. Ah, c'est vrai ça. Qu'elle nous vient de l'Alsace. Attendez, je vais le faire. Ça se prononce Shai et Slimane. C'est peut-être pas de l'allemand. So weit wie noch nie. Si. De Justus. Justus. Knur. Knur. Bon, elle est super. Les Allemands qui nous écoutent se so régalent. So weit wie noch nie. Ah, so weit wie noch nie, je crois que c'est comme Weir Nikar. Ah, mais souvent les Allemands, parce que moi j'écoutais Eiswein Polizei, et pareil, c'était un peu une chanson d'enfant de Modo. De Modo. Einstein, oui, Polizei. C'était une comptine en fait. Exactement. Ouais, yeah. Et à l'arma, pas du tout une comptine. Et d'ailleurs, dans la chanson Da-da-da, ils disent le truc que tu viens de dire. Da-da-da. Soweit wie noch nie. Ah, soweit wie noch nie. Ils disent ça, je crois. Oui, et bon, tout de suite, le mot pollution en allemand, Umweltverschmutzung. Oh. Franchement, ça fait du bien. Où j'ai un complexe d'infériorité. Ich habe ein Minderfertigkeitskomplex. Tu dis ça dans toutes les langues. Tengo una complexito e inferioridad. J'aurais pas été la pire version de moi-même en espagnol. Non, c'est clair que j'aurais pas eu. Adora l'exploratrice. Sí. Voilà. Me llamo Pilar. ¿Cómo estás? Eh bien, je rajoute Dolce Vita de Ryan Paris. Oh là là. Oh là là. Oh, ouais, ça va là, tu vas. Allez, je rajoute l'italiano. Donc allez. Fiorivano le viole. Et ben moi. C'est comme l'oiseau, je mets comme feu. Tu viens, allez. Peut-être je suis pas original, mais à nos actes manqués de Goldman. Ah, bien sûr! À nos actes manqués. C'est ça surtout, ouais. C'est le. La la la la. Ça, j'adore cette passage. C'est vrai que c'est si tu lèves pas les bras, t'as pas de cœur. Saviez-vous que Jean-Jacques Goldman était le seul à avoir un tarif spécial à la SACD? Ah bon? Il a le tarif Jean-Jacques Goldman. À la SACEM? À la SACEM, pardon. Non, mais c'est rien. Ils lui ont donné. Et tu penses que c'est cher? Il gagnait tellement d'argent à la SACEM qu'ils lui ont proposé une part de la SACEM en fait. Non, mais c'est la vérité. C'est pas une blague. C'est pas il y a une pièce dans les locaux de la SACEM où il peut aller quand il veut. Pour bosser. Et il y a une fontaine à eau avec un truc gazeux et un truc frais. Jean-Jacques Goldman, on m'avait dit que si il peut. Je m'étais renseigné pour vendre, enfin pour acheter, pardon, une chanson pour un film ou un truc. Et en fait, s'il aime le film, il est ok, il te le file gratuitement, mais il dit la somme que vous comptiez mettre, vous la donnez au Resto du Cœur. Oh là, j'adore ça. Extrêmement stylé. Il a un cœur en gold, ce man. Putain, j'adore. Lisons, aime chacun de tes jeux de mots. Non, mais je te trouve rapide. ASMR, canette de coca, deux secondes, tu montras. Comment? Oh, Le début du fond de la télé. Ouais. Ah bon non, ah c'est oui, le générique c'est de... d'Arthur, enfin oui. le truc de prod. Non, mais c'est vrai, Réservoir Prod, non ? Exactement. À nos actes non. manqués, d'ailleurs, il y a une parole. Réservoir Prod, c'était. C'est de la rue. De la rue, voilà. À nos actes manqués, il y a juste une parole qui est chelou. C'est quand il dit. Donc en fait, il dit, dans nos actes manqués, il dit tous les trucs qu'il regrette, qu'il a pas pu faire, mais bon, voilà. Dansons à nos actes c'est manqués. C'est la vie, hein. Et à un moment, il dit à ces gens que nous aurions dû tuer. Ah. Et puis c'est Goldman, c'est sympa, et enfin, à ces gens qu'on aurait dû tuer. Jean-Jacques. Très très bizarre. Et dans le truc, et Goldman, le truc. Ces âmes que l'on aurait dû brûler. Jean-Jacques. Et c'est dans Envole-moi où il dit et s'il le faut, j'utiliserai des moyens légaux. Ouais. Oui, bah, c'est pas une menace folle. Alors, justement, moi j'ai eu cette discussion. Et des pour objets moi... contondants de moins de 3 kilos. Non, et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que sa première intention, c'est. Il est tellement passionné que sa première intention, c'est d'utiliser des moyens illégaux. D'accord. Et qu'en gros il dit et si jamais ça marche pas j'utiliserai des moyens légaux. Ah parce qu'il va dire genre tu te fous un procès au cul. Ouais oui, oui ouais. C'est ça. Ah, mais oui, pour moi c'est pour dire justement moi je suis prêt à me battre mais s'il faut si ça peut pas marcher tu vois enfin en gros c'est une question de dire je suis fougueux mais s'il faut je me calmerai quoi. Putain. C'est comme ça que je l'ai interprété moi. Pour moi c'était juste une erreur que je me permettais de souligner Jean-Jacques. Non, excuse-moi Jean-Jacques. Tu peux. J'ai joué au basket avec son fils je me permets de. Ah d'accord. Ouh là là c'est du. Donc j'ai quand même 2-3 insights sur. Au détour d'un layup, il m'a dit ça veut dire ça. Je rêve où tu rencontres tout le show business grâce au sport, toi. Ouais, écoute, ça connecte, ouais. Hein. Ah, ça j'ai l'impression reste, que ça connecte pas mal. Ça crée des liens assez forts, après. Faut créer du networking, hein. C'est très simple. C'est pour ça que ma carrière, elle est. C'est pour qu'on rigole parce qu'en fait, c'est ni drôle ni pas drôle. Il a vraiment pas de carrière, tu vois. Ouais. Il est pas. Attends, Adrien Méniel. Non, mais oui, non, mais. Attends. Je suis dans un salon de Laurent. Loulou, laisse-moi sombrer. Regarde-moi. Confiance. Ok. Un cambrioleur a fui le lieu de son crime. À votre avis, qu'a-t-il affronté? Alors en français, je peux faire. Oh, mais quelle teigne. Ok. Revis le collège. Moi, j'avais déjà eu mon bac, Florent. Hein. Une teigne. Donc, je recommence. Un cambrioleur a fui le lieu de son crime. À votre avis, qu'a-t-il affronté? Je me lance un tigre. Non. J'aurais adoré. Est-ce que c'est un animal? Alors, c'est une partie de la réponse. C'est sa propre culpabilité un d'avoir un mal agi. D'animal. Non, c'est une non, partie c'est... d'animal. Non, c'est un animal. C'est un chien, même je vous le donne. Un ligre. Mais qui n'était pas seul. Avec chien. Des singes. Non. Un chien avec un singe sur son dos. Non. Une meute de chiens. Non. Un chien. Juste un chien. Un chien avec deux singes sur non. son. Non. Il y a pas, alors, pas d'autre animal. Un chien et son maître. Il y a pas de singe. Son alors, propriétaire. Pas vraiment. Un chien mort. Un non. chien qui avait vengé son propriétaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça fait vraiment peur. Quelque chose qui fait peur. Justement, non. Mais quand même, le cambrioleur a. Un chien. Une araignée. Non. Un chien déguisé. Ok, donc là, peut-être, il faut trouver une race de chien qui fait pas peur. Un chien, non, il fabrique le cœuvre. <C'est... rire> Oui, c'est la bonne réponse. Non, c'est, le chien est assez basique, franchement. Okay. Vous, simple. Vous inquiétez pas. Je me disais hier que ça faisait longtemps que quelqu'un avait pas fait cette blague. Non, c'est vrai, pardon. Il a été accompagné par quelqu'un. À votre avis, qui? Le chien? Oui. Bah, quelqu'un de connu. Une vieille dame. Non, pas de connu. Une vieille dame non, avec son. Non, mais on est dans cette ambiance. Un enfant. C'est une ambiance vieux. Exactement. Un enfant. Handicapé. Un enfant handicapé. Non, juste un enfant. Il n'y a pas plus de points quand on trouve des adjectifs autour de l'enfant. T'es blague validiste. Mais non, très très très moyen. Là. Non, non, c'est un enfant, tout simplement. En faisant le tour de sa maison, le garçon a aperçu un homme en train de fouiller la salle de jeu. Il est directement allé réveiller son chien et le chien a attaqué le cambrioleur. Le bon chien. Et le cambrioleur, voilà, face au croc du molosse, a rapidement quitté les lieux. Ah, donc c'était un chien flipper. Parce que non, c'est un film Disney, je crois, flipper, que tu racontes. Flipper, donc c'est un pitch de film Disney. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il y a un côté un peu maman, j'ai raté l'avion, quoi. C'est-à-dire, il y avait un cambrioleur et qu'est-ce qui t'arrive, meuf Laura? J'ai imité Bourville. Surexcité. Ah, j'ai pas eu. Bon, ça c'est un peu. En fait, cette anecdote est nulle. Déjà, le gars, il avait genre une salle de jeu. J'ai vu quelqu'un dans la salle de jeu, tiens. Mais Laura. C'est un enfant, il a une salle de jeu, putain, mais, Laura, non. Merde. T'as grandi où en fait, à toi Mulhouse. Oui. Ah oui, d'accord. Tout le monde appelle les enfants de merde comme nous. La salle de jeu, c'était la rue. Et je peux te dire qu'il n'y avait pas de cambrioleur. Bah lui, il n'y a rien, il a fait virer un cambrioleur, donc excuse-moi, mais oui, il est quand même beaucoup plus. Enfin, son chien, lui, il a réveillé le chien, c'est ça son fait d'armes. Il a rien, son chien gamin, qui était donc un matin espagnol qui fait 450 kilos. Écoutez. Et donc c'était un gros chien quand même. J'ai été touché par cette histoire, apparemment, vous non. Si, si, moi, si. Pour moi, c'était maman, j'ai raté l'avion. C'est génial, cet enfant aurait pu se faire poignarder à la glotte et au final il a. Il y a un chien, moi ça m'a plu. Voilà. Est-ce que vous aviez, par exemple, et ça me permet de lancer cette question, vos peurs d'enfant? Parce que moi, par exemple, me faire cambrioler, c'était une peur d'enfant, de me dire comment je réagirais. Quand j'avais vu maman gérer l'avion, je m'étais dit, je ne peux pas faire ça, moi, donc je serais poignardé automatiquement. Toi, Mid, est-ce que tu avais une peur d'enfant, quelque chose un peu irrationnel, ou pas forcément, d'ailleurs? Moi, j'adorais rester tout seul. D'accord. Et ça me faisait un peu chier, des fois, quand les potes venaient, parce qu'en fait, on pouvait accéder à ma chambre par le jardin. Et des fois, ça me faisait vraiment chier, je voulais juste glander sur Internet, ou faire de la, commencer à faire de la zik, et se branler. Après il y a Hakim qui balance à tes parents, quoi. Oh là, ça balance les trucs. Mais non, mais il l'a dit dans le podcast d'avant. et donc des fois il venait taper à la porte et ça me faisait chier profondément. Je comprends. Mais sans prévenir de leur venue. Ouais, sans prévenir, parce que c'était un peu très années 2000, ça. Ouais, c'est un truc, ça, parce que évidemment il y avait pas les téléphones fixes, portables, etc. Ouais. Ou alors juste des vieux SMS à quelques caractères. Et ça me faisait vraiment profondément chier de malade. Donc pas peur, mais relou, en tout cas. Oui, c'était mal. C'est vrai que du coup, c'est pas très impressionnant si d'autres racontent j'avais peur que mes parents meurent ou que... Non, mais c'est mieux que ce soit toi qui commences, du coup. Si quelqu'un dit ça, mon père était très malade, j'avais peur qu'il meure à chaque instant. Moi, c'était que mes copains, ils viennent. Ouais, mais... ouais, c'est gentil. Hein. Imagine après, il faut jouer et tout. Horrible. Mais ça, c'est vrai que heureux, ça se fait plus du tout. Moi, dans le même délire, c'était mes parents, il y avait genre la tante qui venait à la cour et elle venait prendre le café sans prévenir, sans rien. Ma mère, elle fait encore ça aujourd'hui. Et ça, ça vous manque ou pas? Moi, pas du tout. Mais par moi, exemple. Je le fais. Ah oui, d'accord. Mais toi, alors, je le fais vraiment avec les gens que je connais très bien. D'accord. C'est-à-dire que je le fais avec Cédric. En fait, je fais avec mon seul ami. Avec qui tu passes tes journées de toute façon déjà. Voilà. Donc, Et donc, parfois, je sors chercher une canette en bas et je remonte. Et je dis, non, parfois, je passe quand je suis pas loin. Non, en fait, je l'ai fait une fois la semaine dernière. Et j'étais hyper contente de le faire parce que je me suis dit. Et je l'ai fait une fois avec Florence Foresti. Ça, c'était... Parce que je me suis dit, Florence, elle est à l'ancienne. J'étais dans. Non, mais je me dis, tu sais, c'est. Je pense que c'est le genre de meuf qui pouvait faire ça. Et je dis à Cédric, bah, on envoie un texto, on est dans le quartier et tout. Et en fait. Elle a dit que. Non, elle a dit. Il se trouve qu'au contraire, quand on s'est vu, on s'est dit, mais c'est génial parce qu'on est. Parce qu'en fait, tu sais, tu passes vraiment que pour 20 minutes. Oui, tu oui. sais que tu t'installes pas pour l'après-midi. Quand tu fais ça, en général, c'est pour boire un café. Après, aujourd'hui. On a tous des vies tellement réglées que moi je détesterais qu'on vienne chez moi sans me prévenir. Oui, mais, tout ça... mais attends, t'envoies un texto, donc c'est en prévenant ça. Oui, mais du coup, c'est genre. Oui, c'est en prévenant. Ça, mais Cédric, j'avais pas prévenu. C'était assez fou. Il tu préviens bonne humeur. Mais genre le truc 20 minutes avant tu bah, si je suis dans le coin, t'es chez toi? Ah ouais? Et on boit un café? Bah, non, mais donc c'est être... non, mais c'est être sociable, c'est juste ça. C'est non, c'est... Mais c'est vachement plus agréable que de prévoir les dîners 20 ans à l'avance, et... non? Ouais, ouais. Si, carrément. C'est mais tu sais qu'on m'a proposé ça il y a pas longtemps, justement. Ah, t'es dans le quartier, viens boire un café. Je suis allé, mais je sais pas combien de temps je devais rester. Et je crois que je suis resté trop longtemps. Parce qu'à un moment, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte. En fait. Merde, quelle horreur. On m'a mis 19h là. Tu sais, quelqu'un qui se lève. Mais quelqu'un de socialement très à l'aise. C'est quelqu'un qui est comme ça, assis en face de toi et qui tape sur ses cuisses et qui fait genre bon. Tu ouais, comprends, ça c'est un bon signal. Il est temps que le bon. Le silence de 25 minutes précédant ce bon était aussi un bon indicateur, quand même. Aussi. Toi, Adrien, c'était quoi tes peurs d'enfant? Mes peurs d'enfant. Merde, j'y réfléchissais pas parce que j'allais. Ah bah vas-y, non, mais moi j'allais dire que moi déjà, je pense que jamais de ma vie je n'ai dit à quelqu'un on se voit un de ces quatre déjà. Ouais. Jamais. Donc, donc déjà, Loulou, encore moins. Confiance. Mais t'as raison, mais tu vois, on est bien. Donc encore moins débarquer à l'improviste. Ouais. Parce que déjà, pas à l'improviste, je ne crée pas. Oui, la dernière fois, par exemple, je t'ai proposé de venir, il y a eu hésitation longtemps. Tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est vrai, ton ADN. Oula, ça va partir. Et puis hier, tu m'as proposé qu'on se voit parce que t'étais vers chez moi et je t'ai dit non. Non. Cela dit, je lui ai fait une très bonne proposition, sans dire où tu habites, mais je suis passé par un cimetière. Et cimetière à Paris. Montmartre, voilà. Montmartre, celui de Montmartre. Non mais ça va, tu regardes mes stories, tu vois où j'habite. Ouais. Oui, voilà, bon bref, et en même temps, en lui disant, je me suis dit, ce n'est pas la meilleure sortie à proposer. Genre, bah je me balade dans un cimetière, écoute, est-ce que ça c'est parce qu'il est super ce cimetière. Je suis passé. Sans dire lequel c'est, il est super. Sans dire lequel c'est, il y a quand même le chanteur des Doors dedans, et ça c'est vraiment. Et Jean-Pierre Macri. Ah, c'est vrai, il est à la chaise. Il est au Columbarium apparemment. L'a dropé, d'accord, ok. J'avais il est au Père Lachaise. Il est dans le Columbarium. Au 115 boulevard Ménilmontant. Au Père Lache. Ah ouais, d'accord. Ah, je vais pleurer. Laura. Mais toi, t'arrives à dire non. Hein. Moi, j'ose pas dire non, quoi. Ça j'ose pas dire non. Dire non à quoi? Bah tout. La maladie. Moi, j'ai vachement de mal à dire, mais j'ai vraiment un problème avec ça. C'est-à-dire que j'ai et du coup ça me met dans des galères que je suis obligée d'avoir des gens maintenant qui travaillent pour moi pour dire non. Mais moi j'ai l'inverse. Hein, moi j'ai un peu trop facilité à dire non. J'ai l'impression qu'il y a un spectre et qu'il y a un peu deux extrêmes. Mais on peut se nourrir l'un de l'autre, tu sais. Un m'a plus confiance. Oui, parce que en fait, c'est que dès qu'on te propose un truc, genre tu peux viens et tout, tu dis oui, alors que des fois t'as pas spécialement envie. C'est à ce point. Ah ou ouais, pas je suis tout le temps. Donc ça. Tu vas beaucoup à des dîners auxquels t'as bah pas déjà, envie. Déjà, en fait, non. Alors ça, maintenant, avec mes amis, par contre, je réussis parce qu'en fait, je suis hyper. On dirait que je suis hyper sociable, mais moi, vraiment, j'aime pas trop les soirées. Et du coup, parce que je bois pas, je fume pas et tout, et qu'il y a beaucoup de bruit, et que moi, le bruit quand on est dans des soirées et tout, vraiment, c'est ça. Je suis hyper sensible de ça, ça me stresse de ouf. Du coup, je me suis longtemps forcée. Et les gens ont l'impression que je passe une excellente soirée. Et moi, j'ai passé une horrible soirée. Et je me dis, ça colle pas quand même. Tu vois, quand tu vieillis, tu te dis, mais ça colle pas avec ce que je vis. Du coup, il faut que je respecte ça. Et du coup, vraiment moins d'amis. Enfin, non, du coup, je sors moins. Et fatalement, je suis avec les gens qui sont dans ma zone de confort, avec qui je suis très à l'aise. Mais franchement, si je. Alors, je réussis à avoir un cercle un peu social comme ça, de connaissances, mais de gens très proches ou de grosses soirées et tout, j'en fais en fait très rarement, quoi. J'ai tout confondu dans ce que je viens de dire. C'est non, clair. C'était bien. Non, c'était clair. Non, non, non. Pour moi, de l'eau de roche, ce que j'ai tu disais. J'ai l'impression de te connaître un peu mieux. D'être rentré un peu chez toi. T'as enlevé tes chaussures, t'as mis des t'as patins. T'as enlevé tes chaussures, t'as mis des patins. Ouais, mais petite, j'avais pas de peur, à part encore une fois vomir, quoi. C'était terrible. J'ai et tu l'as encore, t'es encore ouais, parce que je suis vraiment hémétophobe. Ah ouais, d'accord. Et que j'ai fait un podcast avec Sophie Marie-Laroux, j'en ai parlé vraiment 45 minutes. Et où tous les hémétophobes de France m'écrivent sur Instagram. Coucou, moi aussi j'ai peur de vomir. Et ouais. Je suis là, parlons-en pas en fait. Tu vois, c'est horrible. Comme quoi on a à se nourrir l'un de l'autre, vraiment, on a plus. Et non, et en fait, ça va vraiment mieux maintenant. Mais moi par exemple je bois beaucoup de tisane avant d'aller dormir. Du coup, j'ai vraiment une fille. Tu me regardes, tu me regardes comme si ouais. Parce que je regarde Mid en me disant lui il comprend je pense parce qu'il voulait pas avoir ses amis. Et du coup quand je vais faire pipi par exemple la nuit, vraiment je me dis tout le temps ok mon corps se réveille parce que je dois vomir. Mais je dois jamais vomir. Ah, je me crée des crises d'angoisse. Tu dois pisser, écoute. Ça va mieux que les années. Ouais. Mais petite, je me rappelle que quand quelqu'un avait la gastro chez moi, vraiment ça a été ma peur de ouf. Ma mère m'envoyait chez mon père ou chez mes grands-parents. Ah d'accord. Parce que mes parents sont divorcés quand je suis jeune, ouais. Oui. Ça s'est très mal passé. T'as au départ, 30 ans quoi, arrête. C'est tous les gens qui ont 30 ans, leurs parents. C'est vrai. Moi ils ont divorcé, j'avais 2 ans, donc calme-toi. Oh là là, pardon. Je suis désolé. J'étais un bébé. T'avais quel âge? J'avais 2 ans. Ah ouais. Donc oui, bon, tu comprenais pas. On peut dire que peut-être c'est à cause de toi. Peut-être. Ah moi non, moi le vomi ça m'a jamais. Ouais non, mais moi, je sais pas. Petite depuis petite. Et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir été traumatisée par ça. Mais donc quand t'es malade tu dois être en panique. Mais je pense que j'ai plus de chances de mourir d'une overdose de médicaments que de vomir. Ah tu genre la pardon coup, on va pas faire deux ans là-dessus mais ouais. La dernière fois que t'as vomi c'était quand? Je sais pas genre ça doit être il y a 10 ans presque. Chirac était président. Il y a 10 ans presque. Il y a 10 ans. Ça va, c'est bien. J'ai jamais de gastro, j'ai jamais de je touche du bois. Et c'est pour ça que tu bois pas? Ah, j'allais poser non, la non, ça question, c'est ouais. Ça c'est parce que je suis elle a peur de se chier dessus. C'est autre chose. Ah, ouais, voilà. Ça c'est pour une autre phobie, ouais. Peur de me transformer en non non, pas du tout, c'est que j'ai un c'est très chiant putain, mais j'ai un truc d'enzyme qui ah, mais oui. Ouais, voilà. Le truc je veux pas dire mais c'est un truc d'asiatique voilà, en fait, je n'osais pas le dire parce que c'était raciste. Et tout ouais, le monde si a ça disais. Chez moi et moi j'ai ça fois 1000 et ils te font des l'alcool ouais. Bah, j'attends tu tiens pas, pas là, en fait. Ouais. Si, du coup, je vais voir du site, je suis explosos. Trop brut, évidemment. Et je pense vraiment, parce que je l'ai déjà fait une fois avec des shots, je pense vraiment être une version pas très intéressante de moi. Personne n'est une version. Mais ça, personne, ouais. Non, mais vraiment. Vraiment, personne n'est une version plus intéressante bourrée. Hein. High level en Europe. Ah, attention, ah, Lison est pas d'accord. Non, si, ça peut arriver des gens super quand ils sont bourrés, non? Oui, tu bah, je suis bien. Mon mec a l'alcool. Je suis sympa quand je suis bourré. Bourré, non. Genre pompette, tu oui, peux être pompette. Un peu désinhibé, ok? Mais je suis jamais bourré. Ok, bourré. D'accord. Ouais, comme ça, on parle pas. Non, mais à bourrer dans le caniveau, comme ça, tu vois, non, non, pas forcément, mais. Ce serait génial quand tu dégueules dans le caillou, là je suis au top de moi. Là c'est le vrai moi, là putain. Prenez des photos. Vous buvez, vous, tous les trois? Oui. Oh, bah, mid, c'est le milieu de la nuit, mid. J'adore ce mec. Attends, ce mec là, on voit des extas, je pense, tu vois, genre. Genre. Et toi, Adrien et Florent, je me rappelle plus. Moi, pas du tout. Pas du tout. Et pas du tout. Mais moi, non, rien, jamais. Pourquoi? Mais alors moi je mets ça sur le dos de la Bourgogne. Moi j'ai grandi en Bourgogne. Ouais, t'en as eu plein dans le fion quand t'en parles en permanence. Et comment parle. Et même en fait il y a un truc. Alors je pense que c'est dans d'autres familles aussi. Mais il y avait une espèce de rituel de quand t'es petit. Genre t'as 5-6 ans, on te fait boire un fond de vin genre ah, dégueulasse avec de l'eau, génial là. Il boit des, tu vois, et je crois en trasant la tête c'est... après t'arrêtes en t'insultant en latin, trop bizarre, exactement, attaché à une chaise. Non non, mais donc du coup tu bois un petit verre machin et ça m'a dégoûté, et après bien, du coup. J'ai grandi en n'ayant que des modèles de gens bourrés que je ne voulais pas vraiment être. D'accord. Voilà, dans l'adolescence, tu vois, les gens étaient bourrés dès 12-13 ans, et donc du coup, il y a un peu un truc de bon, pff, ouais. Non, c'est, ils ont l'air un peu nuls. En revanche, et l'alcool m'a servi de façon détournée, parce que les soirées où les gens étaient désinhibés, tous sauf moi, m'a désinhibé au final. Enfin, tu vois, il y avait un truc oui, où ça coup, désinhibe, ça fait ça. Exactement, j'osais plus parler. Sauf que nous, on le fait beaucoup plus sincèrement et on s'en rappelle le lendemain. Voilà, exactement. Non, mais c'est et vrai que t'as l'air un peu con aussi après. Non. Non, ça va, les gens oublient. Hein. Écoute, si. Toi, tu bois, toi. Je bois tranquillement, hein. Oh, attends, personne te juge, hein. Non, mais coupé, hein, c'est hors antenne. Je bois quelques verres de vin au dîner, quoi. Enfin, pas tous les dîners. Quelques verres. Mais ça m'arrive. Moi, c'était le noir. Je viens de me rappeler l'obscurité quand j'étais petit. Ah, t'avais peur du noir. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais. Bah, c'est comment ça? Jusqu'à tes comment ça, peur du noir? C'est quoi cette drôle de peur? Non, en fait, je crois que j'en ai déjà parlé, mais bientôt j'ai tu vas me dire qu'il y avait des monstres sous ton lit. T'es fou, toi. Non, mais en fait, c'était avant le divorce de mes parents. On vivait dans une maison et ça se passait mal entre mes parents. Et du coup, mon père dormait au troisième, enfin, à l'étage avec là où il y avait ma chambre, et ma mère elle dormait au sous-sol. D'accord. Ils faisaient chambre à part. Et du coup. Comme c'est une période un peu troublée. Là, ça s'est calmé direct. Hein. Quand je parle de... Moi, j'étais en train de me dire, c'est une maison avec 4 niveaux. Non, ça va les riches. Moi, je me disais, ça va les riches. Il y avait une salle de jeu, peut-être. Du coup, lui, il dormait près du tennis et à côté du. Tu vois le deuxième sauna. Le local à piscine. La chambre qu'on accède par le jardin. Non, il y avait un sous-sol, un étage et un étage au-dessus. Voilà. Et donc, quand je faisais des cauchemars, souvent. Et du coup, je voulais aller voir ma mère. Parce que pour lui dire que j'avais fait un cauchemar, et il fallait que je descende du coup les ah étages. Ouais, et j'osais pas allumer la lumière parce que je voulais pas réveiller les gens. Ah oui. Et du coup, je descendais les étages dans le noir. Je venais de faire un cauchemar, donc j'étais un peu terrorisé. Et je pense que ça m'a créé une. Phobie. Ouais, mais non, mais il y a. Oui, une merci. Angoisse. Peur. T'as eu peur? Non, scotophobie. Non, je sais plus. C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Mais bref, j'ai eu peur du noir, quoi. Et pendant longtemps, après, j'avais peur de l'obscurité. Et un truc. L'aculophobie. C'est pas ça. Aculophobie. J'invente des mots, dis-moi. J'en avais un autre en tête. D'accord. Je crois que c'est les pires questionnaires, les questionnaires. Quelle est la peur des champignons? Et puis on donne des noms comme ça, c'est inintéressant au possible. Ouais, j'ai fait ça sur Twitch. Ouais, j'allais dire, c'est le jeu en troisième partie. Désolé, excusez-moi. Non, j'ai fait ça littéralement. Alors, on n'a pas eu la peur, disons. Hein. C'est vrai. C'est vrai, de quoi j'avais peur, moi. Souvent, les gens qui ont peur de l'obscurité ferment les yeux. Dans le noir, parce qu'en fait, c'est logique du coup. C'est une façon de prendre le contrôle sur l'obscurité. Tu dis oui, je suis dans l'obscurité, mais c'est parce que je ferme les yeux. C'est pas qui fait noir, c'est moi qui ai décidé qu'il fait noir. C'est un truc intéressant. C'est comme ça que je l'avais. Enfin, je m'étais rendu compte que je le faisais, et après j'avais lu des trucs qui disaient oui, c'est courant que les gens fassent ça. Qu'est-ce que dirait Yvan de cette interprétation de. Eh bien, la peur du noir est assez banale, hein, je dirais. C'est Karl Lagerfeld. Est-ce que t'avais une peur d'enfant? Moi, j'avais peur que mes parents meurent. Ah ouais? Ouais, ouais. Pas non plus. Bof, mais ça. Ouais, bof. J'avais peur des cafards. À cause du film Joe's Appartement ou pas? Je du sais tout pas pourquoi. Parce que ça, c'est un film qui a terrorisé plein de gens. Alors, je crois que c'était une peur quand même assez facile à gérer, parce que ma mère m'a dit: mais non, ils peuvent pas monter sur ton lit avec leurs petites pattes, ça glisse. Et j'avais fait genre: ah ok, ouais, bon bah c'est bon. Et en revanche, ils peuvent aller dans ta. Moi, ils peuvent aller dans tes plats. Ils rentrent dans ta bouche. Ils laissent tomber du plafond dans ta bouche directement. Avec un scolopin, moi. J'avais pas énormément de trouilles. Non, je sais, ça, voilà. Elle était déjà des merdes, cette gamine. J'étais des merdes. Elle avait un sacré caractère. Oh, t'es excellente. Ah, ça, c'est pour non, le portrait. J'avais peur que mes parents meurent. Ça, c'est un vrai truc. Ouais. Quand ma mère avait 5 minutes de retard, elle me disait: bon, bah. Ça y est, c'est arrivé. Je suis sans famille et je m'appelle. Et en plus, elle avait jamais de retard. Donc, Ah oui, donc t'avais. Ouais. En fait, une mère trop ponctuelle fait que du coup, dès qu'elle a 5 minutes, c'est. Ah ouais, c'est sûr, elle est morte. C'est sûr, elle est morte. Ça peut pas être des bouchons. Quoi. Putain, alors, tu vois, moi, ma mère qui venait jamais me chercher à l'école, du coup, j'avais pas peur. Quoi. T'étais assez détendue. Je sais qu'elle était bien vivante. Elle était juste pas là. Elle était juste absente. Le rappeur Usher est au cœur d'une tourmente. Au centre d'une tourmente. À votre avis, que lui est-il arrivé? Oh, bah un bon vieux Me Too, non? Non. Oh, pardon. Bref, oh, pas Usher. J'ai insulté Usher. Est-ce que c'est une histoire de plagiat? Alors, ce n'est pas une histoire de plagiat. Est-ce que ça a un rapport avec sa musique? Ça n'a pas de rapport avec sa musique. Est-ce que ça a un rapport avec Gad Elmaleh? Ça n'a pas de rapport. Est-ce que ça a un rapport avec son nom? Non. Non, mais peut-être. Est-ce que ça a un rapport avec sa famille? Non. C'est pas sa vie privée? Alors, c'est un peu sa vie privée. C'est un peu sa vie privée et un peu sa vie professionnelle. Non, c'est surtout. Non, en fait, c'est sa vie privée. C'est sexuel. Hein. Et c'est pas sexuel, mais ça se rapproche de. C'est un problème de. Il a galoché. Non, c'est pas un mytho. Non. Il a galoché quelqu'un? Il a pas galoché quelqu'un. Un problème dans une de bébé. Pas du. Non, pas du tout. Un problème de bébé. Mais non, pas lui. Genre. Il fait c'est pas lui. Il a eu un enfant qu'il a pas déclaré. Non, c'est pas ça. Non, quand je dis. Il a un kink un peu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est lui arrivé une histoire, mais on est dans une émission feel good, hein, je vous en supplie. Ouais, mais il lui est arrivé une histoire dans une boîte à strip, voilà. Ok. Et oh là, à votre avis, que c'était. Ah, il a pas typé une stripteaseuse. C'est dans ces eaux-là. Il a typé une stripteaseuse qui était mineure? Non. Encore une fois, nous sommes feel good, disons. On n'est pas. Ah oui. Il peut être mineur en super forme. Hein. Qui déborde de santé. Il y a une dérogation pour bosser. Et tout va bien. Alors non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une histoire d'argent. C'est lié à l'argent, ouais. Il a demandé la monnaie à une stripteaseuse. Alors. Oh putain, c'est génial. C'est hélas une meilleure histoire, mais on n'est pas loin. Ah putain. Il a tippé une stripteaseuse avec des billets à son effigie, donc qui étaient faux. Donc. Wow. Ah, yes. Mais c'était des billets avec son visage imprimé. Alors, Usher s'est quand même défendu en disant oui, mais j'ai aussi donné des vrais. Donc. Bah, en vrai. Bah, voilà. Moi je suis la strippeuse, je me dis bon, je garde quand même un billet avec la tête de Usher. Ouais, elle... bon, après faut voir le ratio, quoi. Faut être quel genre de malade mental pour imprimer des billets avec sa tête? Oui, d'accord. Ouais, mais il l'a peut-être dans la du coup il en garde dans ses poches en souvenir. Ouais. J'avoue que la démarche de se faire imprimer des billets avec sa tête est très très bizarre, mais je pense que c'est plutôt ça qu'il faut questionner. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, en fait tout dépend du ratio vrai faux, en fait. Voilà, si elle avait 500, allez, admettons, dollars. On connaît pas forcément les tarifs. Moi, j'aimerais bien savoir le cours de la monnaie Usher. J'aimerais savoir combien vaut. Par rapport au bitcoin, par exemple. Usher, Mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça se trouve, c'est des billets qui peuvent avoir beaucoup de valeur, techniquement, puisque il n'y a que Usher qui les a. Ouais. Mais elle, en tout cas, était très énervée. Bon, ça a fait chier de remettre sur Amazon, quoi. Non, mais en tout cas. Sur eBay, pardon. Une des striptease. Une des striptease. Okay, Amazon blague. Du coup, la prochaine. Avec la bonne plateforme. Là, au moins, là, tout le monde l'a eu, ta vanne. Non, mais en gros, la stripteaseuse sur Instagram en a parlé en disant qu'elle en avait un, parce que souvent, apparemment, les célébrités font ce genre de merde, a-t-elle écrit. Quoi? Ouais, non, mais attends, ça suffit, là. Bah oui. Après, voilà, les billets. Ça m'est arrivé avec. J'ai un billet avec Jean-Ben Guigui. Ça me l'a fait avec Abraham Lincoln. C'est une bien meilleure blague. On est parti tout de suite sur des name drop télé 90. C'était une super blague. George Washington m'a fait la même. Il y a 200 ans. Et je t'en prie pas. Quel est, vous, votre dernier kiff que vous vous êtes payé? Oh putain, ouais, c'est vraiment un appartement. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Un bon appartement, ouais. C'est bien, ouais. Un bon kiff. Vous verrez sa salle de bain, mais alors. T'as tout refait. On a tout pété. Millionnaire, c'est ça, dans les. C'est drôle. Alors je me suis endetté sur 25 ans. Bien sûr. C'est là-bas. Mais il y a eu un article qui est sorti, un article de d'Aubas, enfin putaclic. Entrevue. Est-ce que c'est entrevue? Il disait les patrimoines de stars. Dans l'ordre des plus riches aux moins riches. Et donc, je sais pas, des Florence Foresti, des vraies stars, quoi. Qui sont pauvres. Et à la fin, Wham! Avec écrit Lison Daniel, 2 points, moins de 1 million. Ah bah vraiment moins. Ah, yes. Et vraiment moins. Et t'appelles ça un kiff. Bah, ça rappelle le truc d'entrevue où il disait que les artistes de Golden Moustache gagnaient 8000 euros par mois selon leurs calculs. Ils avaient fait un article, ouais, genre les stars d'internet deviennent riches. Et il y avait vraiment une photo de nous tous, les pouces levés. environ 8000 euros par mois. Ah super. On était à 10 fois moins. Même à nous tous, on ne gagnait pas 8000 euros par mois. Sur 10 ans. Même pas. C'est trop drôle. Oui, sur toute la durée, on n'a pas gagné. Sur ce brand, ça va être 100 euros par contre. C'est diffusé en télé. Ouais. Comment ils ont trouvé cette info à ton sujet? Mais ils ont rien trouvé du tout, parce que si tu regardes vraiment mon compte, tu t'aperçois que c'est pas. C'est techniquement vrai, j'imagine. Ils ont su que t'as acheté un appart. Ouais, c'est ça que je voulais. Il y a bien quelqu'un qui. Je pense que c'est un bot, enfin que c'est un logiciel débile qui met des noms au hasard avec des trucs au hasard. Ouais. Je pense que c'est n'importe quoi. Incroyable. Adrien, toi, un petit kiff que tu t'es offert. Parce que toi, je sais que t'aimes bien les petites bidouilles, les petits trucs. Ouais, mais là, dernièrement, je ne sais pas. Bah, si, j'ai acheté, j'ai acheté un vélo électrique, mais je regrette. Donc. Pourquoi tu regrettes? Bah, ça a changé ma vie. Bah ouais, mais il est pas. Non, mais il faut peut-être que je l'apprivoise un peu. Mais pour toi, t'as acheté. Est-ce que tu peux dire quel genre de vélo? Oui, c'est un avec des énormes roues là, un truc de branleur un peu. Ah oui, mais je comprends. Et il est très très lourd. Et en fait, je trouve que une fois que tu roules, ça va. Mais le démarrage, tu vois, quand t'as un feu rouge, quand tu démarres. Un feu rouge rhumatique, ouais. Comment un feu rouge. Enfin, je sais pas à qui tu demandais. Après, t'es en vélo à Paris, donc normalement, le feu rouge, tu t'arrêtes pas. Et bim, les cyclistes. Oh là là. J'ai une chronique à 19h. Tu vas te faire des ennemis. Bah, j'ai pas peur en fait, j'ai pas peur. Il y a peut-être autre chose, mais je me rappelle pas là tout de suite. Mid. Tu demandes toujours à moi en premier. Bah, non, je fais un petit tour. C'est dur d'acheter des trucs en ce moment et d'avoir envie, mais qu'est-ce que j'ai acheté avant? Envie d'avoir. Pardon. C'est dur d'avoir envie. Non, mais ça peut. Non, mais alors, pas récemment, est-ce qu'il y a un kiff que tu t'es. Genre, je change ma question. Tu as eu ton premier beau chèque headbanger. Qu'est-ce que tu t'es offert? À quel kiff tu t'es fait? Dis-nous tout, mon salaud. C'est vraiment le ton que t'as employé. Ouais, Qu'est-ce que tu t'es fait? Ma main est posée sur ton épaule en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, passez à la suivante parce que faut que je. Non, mais typiquement, moi, c'est nul à chier, mais je me suis acheté un Dyson par exemple. J'en parle à chaque émission. Non, c'est pas du tout nul à chier. Mais ça va vraiment. La puce? Ouais. C'est pas du tout nul à chier. Super. Mais tu sors un peu de cash, je crois, pour motiver les gens bientôt, Laura. Genre. Ça s'appelle éveille ta conscience. Je sais ce que j'ai fait. Ah. En fait, pour mon studio de musique. J'ai décidé de changer toutes les ampoules du studio. D'accord. Parce qu'en fait, la lumière, elle me rendait assez triste. Elle était blanche comme un hôpital. Ah, tu c'est vois. Horrible. Vous voyez de quoi très, je parle très, très, les très LED bien. Blanches qui. Bien sûr. Et quand j'y allais, j'étais assez malheureux de rester longtemps. Et c'est un endroit qui est en sous-sol où tu restes assez longtemps. Ouais, alors, tu dois créer de la musique, de la fête. Tu dois être dans une excellente vibe. Bah ouais. Et pour être dans une excellente vibe, en fait, il fallait que je change toutes les ampoules de toutes les lampes. Et j'adore avoir plein de petites lampes. Bon, après le kiff, c'est pas non plus des millions d'euros. Ah, bah c'est pas mal. Mais c'était. J'ai dû aller discuter déjà avec un vendeur de Leroy Merlin pendant assez longtemps de des lumens, des watts. Bien sûr. Je sais pas si vous avez déjà eu cette discussion qui est assez chiante. Horrible. Parce qu'en fait, c'est. C'est super. Ma dernière vidéo, mais ça dépend ça. Si tu prends. C'est des watts, des lumens. C'est comment on dit, lumens. Et donc, évidemment, tu te trompes, c'est-à-dire que tu en achètes une pour voir le truc, tu comprends pas pourquoi. Il t'avait dit que c'était la plus jaune, et en fait, finalement, c'est quand même blanc. Et... Parce que ça dépend si t'es en triphasé ou pas, en fait. Si t'es relié à la terre ou à la mer, ça a complètement. Et maintenant, je suis. Et t'es daltonien aussi, Mille. Je suis daltonien, profondément daltonien. Attends, mais vous connaissez tout sur moi, j'ai déjà tout raconté la dernière fois. Vous étonnez pas que je parle d'ampoule, j'ai. À tous les gens qui écoutent, si vous me trouvez super chiant et inintéressant, écoutez l'ancien podcast où j'avais des excellentes anecdotes. Arrête, c'est sublime. Confiance. Mais Laurent Merlin, pardon. Vas-y. Enfin, non, franchement, c'est ton podcast. Je t'en supplie. Non, mais justement, je suis là tout le temps, moi. Je t'adore. Mais non, vas-y. Et c'est Laura Felpin. Pardon. C'est pas le roi Merlin. C'est super. Je voudrais dire qu'Adrien fait partie des gens qui achètent des trucs. Et qui donne envie d'acheter. Mais de ouf. Moi. Comme non parce que c'est comme les gens qui mangent et tu sais tu sens qu'ils sont toujours hyper contents du choix qu'ils ont fait de ce qu'ils mangent et tout et tu te dis putain mais ça se voit que j'aurais dû prendre ça. Bah Adrien quand il fait ses petits trucs et moi je l'ai acheté à cause de lui. Il le sait probablement pas. Un truc pour vapoter du CBD à l'époque parce que je trouvais qu'il vapotait sur sa petite clé USB. Je trouvais ça génial. ce gros truc qui m'a soit dit en passant brûlé l'arrière de la langue. Ça. Non. Non pas comme ça. Il était pas dans cette forme. Bah, et voilà. Tu seras pas brûlé la langue. Et après. Je l'ai vu manger des Barcliffe et je me disais ça doit être excellent. C'est et j'en ai acheté plein. J'en ai là dans le sac. Et vous voyez comment on est influencé par Adrien Méniel. Et donc. Pour rebondir juste sur ce que tu dis, c'est parce que Adrien Méniel est l'homme que je connais qui prend le plus de temps avant d'acheter quelque chose. Oui, Cédric est méticuleux, il est très méticuleux. Il est tellement. C'est des personnalités, ça. C'est des profils, ça. C'est un profil. Il passe un temps fou. À acheter quoi que ce soit et en même temps il est rarement déçu parce que du coup il à chaque fois c'est vrai non mais c'est incroyable mais quand t'es déçu t'es très déçu. La dernière vraiment, fois, déjà, tu sombres. Tu sombres. Il a un petit problème avec le matériel. Non, mais parce que là, justement, parlait... je veux pas dépenser mon argent. Il parlait de son vélo électrique dont il est déçu. Il faut savoir que son vélo électrique, j'ai été là deux fois. Donc la première fois, on déjeune ensemble. Il me dit, viens, on déjeune sur les quais. Comme ça, on n'est pas très loin de, on est pas loin de mon vendeur de vélo électrique. On y va. Oh, il y a du monde. C'est fermé. Non, c'est fermé. C'est fermé. C'était fermé. C'était fermé. C'est pas de ma faute. Quelques jours après, le hasard des rues fait que on se croise dans la rue. Dis-toi, comme quoi, Paname, c'est un village. C'est fou, hein. Ouais, c'est, ouais, dingue, c'est un village. On croirait que, mais je lui fais, mais viens, on bouffe ensemble. Qu'est-ce qu'il me dit pas? Retournons vers le vendeur de vélo. Donc, on va vers le vendeur de vélo. Il était bien, c'était d'accord. Hein. Jusque-là, j'étais ok. Dis-toi que la réalité était encore plus chère. Ouais, elle est super. Ton on dirait une histoire de Bigard, c'est avec que des répétitions méga longues et sans la chute. La chauve-souris, elle a enfin, dit, bah ouais, t'as pas de mettre un doigt dans le cul. Oui, c'est ça, la chute, c'est qu'il se met le vélo dans le cul. Non, et donc du coup, on y va. Le truc ferme à 15h, il est 14h55. Oh, putain. On attend 30 minutes qu'il rentre. Et moi, je lui dis, mais ils vont fermer devant nous, c'est censé être fermé. Ça a duré combien? 40 minutes à peu près. 40 minutes pour rentrer dans la boutique. Avec le Covid et les vieux qui... Bah, forcément, c'est que des vieux qui achètent des vélos électriques. L'as-tu acheté à ce moment-là? Non, je l'ai essayé. Il est allé pour poser 3 questions. Non, je l'ai essayé, putain. Mais je l'ai essayé, t'es parti avant. C'est vrai que je suis parti avant. Parce qu'au bout de 40 minutes, j'en ai marre. Oh, putain. J'ai essayé le vélo, essayé. Ah, il est bien. Et il y est retourné pour l'acheter. T'as, fait, ouais, t'as été combien de fois dans cette boutique? Bah, 3 fois, du coup. C'est terrible. C'est pas énorme, je trouve. Ça me rend fou. Bon, bref, moi j'ai acheté un truc. C'est pas vraiment un kiff. Bon, bref, il y a pas de remise en question de sa part. Il y a aucun problème. Bref, je vous emmerde. J'y vais une première fois, c'est fermé. Bon, bah j'ai pas le choix. J'y retourne pour l'essayer. Tu re-racontes l'histoire là ou quoi? Non, mais non, mais attendez, on j'attends plus de 40 minutes à l'extérieur, je pose 3 questions, je le réessaye. Il me semble que c'est quand même pas déconnant. Hein. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Adrien, il va une première fois au magasin et c'est fermé. J'ai fait une deuxième crise, fois. Là, je suis pas bien. Ouais, alors, déjà, je vous emmerde. Oh, mais il le dit, non, mais je suis pas venu pour ça. On coupera la promo de ton album. Déjà, ça c'est clair. Non, j'ai acheté un truc, c'est pas du tout un kiff, mais c'est un objet que j'adore et je voudrais que tout le monde ait ça à son domicile. Et il va vous l'offrir avec le code promo Menielos. Je suis prêt à l'offrir parce que ça coûte rien et c'est du génie. C'est, vous savez, les trucs, c'est une espèce de grande tige avec une pince au bout et il y a une poignée de l'autre côté, ouais, et t'appuies et tu peux attraper des trucs. À Space Mountain, tu pouvais l'acheter ça. Peut-être, mais c'est génial. Ça sert à quoi? Pour attraper des objets, genre moi la dernière fois. Je cherchais un truc et en fait il était tombé dans le fond du tiroir, tu vois, le truc. Il était inaccessible et j'ai récupéré le truc. Claque, je l'ai attrapé. Excuse-moi, disons, t'es conquise, je crois. Sinon, j'ai une idée. Si ce genre de truc m'arrive, qui doit arriver quand même une fois tous les 4-5 ans, je te l'emprunterai. Non. C'est pas la seule utilisation. Tu peux attraper les trucs en hauteur. Tu peux gratter le dos. C'est génial. Non, c'est du génie. Tout le monde devrait avoir ça. Acheter. Ça s'appelle comment? Une pince. je sais pas, ça a pas vraiment de nom. Mais non, c'est super. Moi, je suis ravi de cette. C'est un peu comme une main au bout d'un bras, tu dirais. Non, mais c'est un gogo gadget au bras, un peu. Un kidnapping a eu lieu en Angleterre. À votre avis, qui en a été la victime? Un animal? Une star? Pas, un animal, exactement. Oh, un chien? Une licorne, un chien, un chat. Un perroquet? Non. Mais c'est cher un perroquet de malade. C'est vrai. Mais il y a des perroquets dans Paris, est-ce j'ai l'impression. C'est cher. C'est quoi les trucs verts qui volent, qui vont dans les arbres là? C'est des gabons du Mexique. Ah, non, pas du tout. Pas du les tout, gabons. Des gabons du Mexique, ça n'a aucun sens. Mais il y en a au Père-Lachaise, ça, par exemple. Mais oui, il y en a partout. Il y en a aux Tuileries aussi. Bah, ils des sont gabons. Complètement foutraque, ouais, en fait, c'est des âmes des stars. C'est ça. Parfois t'as Dalida qui débarque. D'ailleurs il y a David Bowie qui est dans le coin qui est pas content parce qu'il est pas dans la liste des meilleurs morceaux ou du trajet au boulot. Donc c'est un animal. C'est un animal. C'est un animal domestique. Il peut. Bon, un lézard, une sorte de lézard. Non. Un rat. Non. Une souris. Mais tu es dans la bonne famille. Un rongeur. Non. Ouais. Un cochon d'Inde. Alors peut-être que ça... Non, alors hamster non, cochon d'Inde non. Gerbille. Non. Je sais, une. Un chinchilla. C'est un lapin. C'est un exactement. Un lapin. Lapin. C'est un lapin, mais pas n'importe quel lapin. Un angora. Un lièvre. Non, un lapin qui a une spécificité dans le monde. Albinos. Un lapin qui voit dans le monde. Attends, dans le monde. Non, il a une personne. Donc c'est pas un lapin nain. Un lapin. Non, c'est un lapin qui a qui. Un lapin nain. Non. Qui a une personne. Non, qui a marqué l'histoire. Ah, le lapin de Alice au Pays des Merveilles. Non, parce que c'est un dessin animé, ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas un vrai lapin. Un lapin qui a été cloné. Non. Ah, un lapin qui est dans un film. Non. Dans une série. Un lapin de magicien. Non. pas à la fin. C'est normal qu'il ait disparu. Attends, elle était dans mon chapeau. Oui, en fait, c'est juste un commissaire qui a fait un tour et quelqu'un a fait putain. J'ai fait un article. Donc c'est un lapin célèbre. C'est un lapin qui est célèbre pour une raison. Voilà, je vous aide. Il a participé à la science ? Non. Il allait dans l'espace ? Non, non, pas du ah, tout. Pas mal. Il est le quelque chose. Il est le lapin. C'est le plus... lapin le plus vieux du monde. Non, mais c'est on le est lapin sur... de quelqu'un. On est sur quelque chose de plus du monde. C'est le lapin ah, ça, il a un le plus beau du monde ? Non. Le plus doux ? Non. Le plus gentil ? Non. Le plus généreux ? Mais en tout cas, il est super ce mec. Le plus drôle ? Non. C'est vraiment, il y a des scientifiques il comme imite Jean-Pierre Chevènement. Il le fait trop bien en plus. Mais c'est la façon dont il dit les phrases. C'est pas tellement la voix. Il improvise. Le plus gros du monde. Le plus petit. Non, plus tu as raison, c'est le plus gros lapin du monde qui a été kidnappé, ni plus ni moins. Ils ont demandé une rançon ? Non, mais par contre, la propriétaire a juré qu'elle récompenserait 1000 livres à quiconque ramènerait son animal. Mais il fait combien de. Il fait 1000 livres. Bon, c'est un bon civet, mon pote. Et alors, tu sais combien il pèse hein alors, 1000 livres. J'ai pas le poids, j'ai sa taille, il fait quand même 1m30. Donc potentiellement. à peu près nous. Plus gros lapin donc monde, potentiellement, il peut faire Space Mountain. Enfin, vous pouvez le mettre dans le truc. Bah, les oreilles, c'est bon. Hein. La taille des oreilles. Il peut faire le Silver Star, Europa Park. Ça, c'est l'Alsace, elle s'est sentie obligée de nous caler Europa Park. C'est où ? Il s'appelle Darius, tout simplement. Il, vit oh, à, il vivait à Stoulton, dans le Worcestershire, en Angleterre. Et voilà, il s'est fait tirer, le pauvre. Mais c'est horrible. Comme un lapin. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Elle précise que son lapin, âgé de 11 ans, elle précise que son lapin. Oh âgé... la vache. Oui, il est très gros. Attends, c'est un lapin, chérie. T'as une photo. Oui, il est très gros. Il est très gros. Mais c'est un lièvre. Ah ouais. C'est un très gros lapin. Ouais. Et donc, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que la. Enfin, il est grand en fait, plus que gros. Il oui, est oui, immense. C'est vrai. Il est juste. Non, mais on pourrait croire qu'il c'est est vrai, c'est en surpoids. Il est juste. Non, il est lancé. Ah, il a un IM, c'est parfait. Et la dame derrière fait 1m90 déjà. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais c'est incroyable. Et alors, ça doit être un peu flippant. Moi, ce que j'ai bien aimé, ça fait un peu mutation, pardon. Ce que j'ai bien aimé, c'est que la propriétaire a dit, âgé de 11 ans, ce lapin est trop âgé pour la reproduction. Donc ramenez-le moi. Je vois pas le rapport, mais elle a. Non, mais si, parce que peut-être qu'elle pense que les voleurs voulaient faire une colonie de lapins géants. Ah, et on les revend. C'était le dessin, c'était le. Et conquérir le monde. Ouais, et conquérir le monde, Minus. Comme tous les soirs. Mais donc, du coup, Darius n'a pas été retrouvé encore aujourd'hui. Darius. Et c'est la propriétaire qui. Is someone listening? Just please give back Darius. Yes. Je l'ai fait en anglais. Darius. J'aime bien que tu le fasses. Darius, fuck. C'est en anglais. C'est en anglais. I love him. I love him. I give 100 liver. It's my big bunny. C'était du mandarin, oh, ce que t'as fait. Oh, my big bunny. Oh, my. Ça part en hentai très chelou. Ah. Big bunny. Annette Edwards, âgée de 68 ans. Attends, quoi Annette Edwards, je disais ça. Annette Edwards, âgée de 68 ans, ancienne modèle de Playboy, comme par hasard, la marque au lapin. On est toujours là-dessus. Et très inquiète pour son lapin, parce que Darius a un régime alimentaire spécial, sans lequel il risque d'autres de mourir. D'autres lapins plus petits. Il mange 16 kilos de viande par jour. Nous vous tiendrons informés évidemment des suites de ces recherches. D'ailleurs, à ce propos, on a parlé des cigognes il y a quoi deux épisodes. Ouais. Sachez qu'elles sont nées. On avait parlé en fait d'une télé-réalité qui suivait la vie des cigognes. Oh. Elle a mis bas. Est-ce qu'on dit mis bas? Pas du tout, puisqu'il a pondu. Elle a pondu tout simplement. C'est les mammifères qui mettent bas. C'est ça. Ah ouais, ouais. Donc les cigognes, voilà, trois beaux cigognos. Pas du tout le bonbon, mais il sonne pas mal. Il sonne pas mal, cigogno, moi je suis d'accord. Attends, on va voir si c'est ça. Non, ouais. Petit des cigognes. Vas-y, cherche. On a un peu le même réflexe de chercher. Ouais. C'est fou le web, hein, ça répond à toutes nos questions. Internet, c'est une révolution pour ma part. Et donc, du coup, là, le lapin, on vous tiendra au courant de où est-ce qu'on en est. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie, vous ? Non. Ah oui. Vous en avez eu ? Oui. Oui. Un petit chat. Comment s'appelait-il ? Elle s'appelait Micro. Oh, trop mignon. Ouais, bizarre. Non, Micro, ouais. Bah, c'est mignon. Hein. C'est très mignon. Ouais, c'est mignon. C'était l'année des M ? Je sais pas du tout pourquoi elle s'appelait Micro. C'est tellement ça. Je crois que quand on l'a eu, elle s'appelait déjà comme ça. Ah, d'accord, ok. Ouais. De faire une vidéo sur les gens des associations d'animaux, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire. Ah, c'est tu cherches le perso ? Mais tu sais que moi j'ai bossé. Bah, la petite louloute, elle est née dans les dernières années. On l'a appelée Nikita. Et alors, elle a une spécificité, elle chie sur tout le monde. Parce qu'il te présente vraiment des animaux. Putain, franchement, moi quand j'ai adopté ma petite chatte Huguette. Comment elle va d'ailleurs ? Écoute, Elva, qu'elle devrait encore s'appeler Annick, moi je trouve, mais qu'on a tranché pour rien. Mais moi je trouve que c'est Annick et je l'appelle Annick en secrète, parce que d'accord, je trouve qu'elle a une tête d'Annick. Elle va super, ce n'est pas un chat. On dirait qu'elle joue à être un chat, puisqu'elle ne sait pas tomber, elle ne sait où. Elle est toute malade, hein, je ne sais pas. Mais... oui. Et elle ne grandit quand, pas. Quand elle, court, elle, quand elle court, elle se frotte au mur, enfin on ne sait pas. Il y a un truc qui est bizarre. Elle est couverte d'écailles, enfin. Et elle ne nage essentiellement. je ne sais pas. Bon, des trucs qui n'ont pas de sens. C'est fou. Et Lupin, qui pas plus tard que ce matin m'a fait emmener ses selles chez la vétérinaire. Ah super. 170 euros d'analyse de selles. Il m'a fait. J'aime bien. On dirait qu'il t'a forcé. Ouais. Tu les emmènes. Bah j'en peux plus. Tu vois ça par terre. Tu le prends dans tes mains. Tu l'emmènes. C'est un peu ça. Hein. Franchement, c'est un peu ça. Mais voilà. Donc moi, j'ai deux chats. Ouais. Mais c'est marrant. Tu parlais des gens dans les associations d'animaux. Ouais. Ah, pour ma part, ayant travaillé 6 ans à la SPA. Ah bon. Quand j'étais bénévole. Ouais, ouais. Oh là là. Il fallait qu'il le. J'adore savoir ça. Les gens qui font du bénévolat rarement ne le disent pas. C'est un beau proverbe. Bien, ouais, c'est tu vrai. Fais du bénévolat. C'est comme quand les j'ai travaillé gratuitement à l'association SPA. Bah non, j'aime pas le dire, j'aime pas en parler. J'étais enfant, Je fais des maraudes. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans, de mes 12 à 18 ans, et parce qu'en fait mes parents ne voulaient pas prendre de chien, et donc du coup ma mère m'avait dit. Si tu veux vraiment t'occuper de chiens, il y en a plein à la SPA. Et ah, du coup, dans ma rébellion, j'avais fait bah, très bien. Et donc j'ai passé 6 ans là-bas. Wow, gratuitement. On rappelle gratuitement. Gratuitement. C'est et super beau principe d'éducation. Pas un centime. Hein. J'ai donné pas un centime. J'ai touché. Et donc effectivement, ils avaient le petit loulou revenait souvent. Mais ah, bah, moi, c'est, oui. L'autre face que les gens connaissent moins, c'est engueuler des propriétaires qui laissent leurs animaux. Parce qu'en fait, il y a aussi des propriétaires. Ouais. C'est pas que attacher à des arbres et partir. C'est des fois, ils les amènent d'eux-mêmes à la SPA en disant voilà. Je peux pas le garder. Ma femme avec qui je vais vivre est allergique. Tous les youtubeurs dans un an là. Avec leur berger australien là. Putain. Bah, hein. Et donc. Ou alors des gens ils avaient un bébé ou des choses comme ça. On peut pas le garder. On est trop nombreux dans la maison pour le machin. Et à chaque fois donc il y avait la patronne de la SPA qui hurlait sur les clients en disant c'est impensable. Vous êtes vraiment. Et c'était un spectacle incroyable parce que les propriétaires ne répondaient jamais quoi. Ils disaient ouais on est des merdes, on est horrible. Et ils le laissaient quand même. Bah ouais souvent. Non mais en gros elle leur disait comprenez bien que ce chien, on s'en occupera du mieux possible, il sera malheureux toute sa vie par votre faute. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc, mais qui est la vérité. Parce que du coup, les chiens qui sont abandonnés par exemple par leur premier maître, ouais. Ne sont jamais après de nouveau heureux. Bah en fait, ils sont heureux parce qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux. Ils peuvent être réadoptés. Oui, complètement. Ouais. Non seulement ils peuvent être réadoptés, et nous, quand on les garde. Il y avait en plus nous la chance qu'on avait donc c'était en Bourgogne, ils avaient vraiment des c'est pas comme les SPA par exemple, il peut y en avoir en banlieue parisienne, c'était vraiment des tout petits box où c'est difficile ou dans les grandes villes comme Toulouse etc. Là ils avaient de la place en fait, déjà ils étaient un peu plus heureux. Après tu passes d'un confort d'une maison à t'es vraiment dans une niche dehors entre quatre cages, enfin tu vois où il y a plein de chiens qui aboient, il y a une ambiance qui est et puis t'as pas vraiment une personne qui s'occupe de toi spécifiquement. Non, pas du tout. Et en fait il y a tellement de chiens que tu passes jamais vraiment de temps. Le seul truc cool c'était la balade. Où là tu peux passer un peu de temps avec le chien, mais c'est la journée elle est tellement riche en fait que tu passes même pas une demi-heure avec le chien en fait. Voilà. Parce qu'il faut tous les nourrir, il faut tous machin. Donc adopter des animaux. Adopter des animaux, c'est vraiment cool. Et alors vrai, hein. Et ils sont, il y a rarement des accidents, des trucs. Non, les chats sont tellement contents en fait d'être adoptés, c'est du travail mais. En fait c'est et puis tu sens même quand tu vas dans les associations. Après moi j'avais trouvé qu'il y avait un côté un peu relou. En fait, mais ils ont raison. Au début, je le prenais un peu contre moi parce que je me disais putain, ils sont chiants. Vous êtes bien sûr, vous pouvez vous en occuper. En fait, mais bon, c'est un peu le syndrome du cerf. Tu dis attends, j'adopte un chat, tu vois, genre. Ouais. Mais en fait, ils viennent chez toi, ils vérifient que tes fenêtres elles soient sécurisées. Ouais. Et c'est des trucs en fait qui, au final, tu trouves que c'est un peu relou parce qu'en vrai, il y a vraiment un profil type des meufs d'association qui font un peu flipper. c'est pas grave pour la fenêtre, on verra demain. mais en fait, c'est hyper important, tu vois, et tu sens que ces gens-là sont. Mais il y a un vrai truc et ça, je ne le savais pas. De guerre, d'associations entre elles. Ah bon et c'est fou parce que moi j'en ai fait plusieurs et en fait c'est. Et le mec me dit ah non, le monde de l'association de toute façon c'est un délire total. Hein. C'est vrai trappes. Qu'en fait ils sont hyper ouf. Ouais. Ça attrape des chats à Meudon, ça attrape des chats à Trappes. ils se retrouvent dans la rue, ils claquent des doigts. Et comme non, ça. Et du coup t'as plein d'assos qui se. Enfin voilà. Qui se tirent la bourre. Et en fait c'est vrai qu'il manque un petit peu de. Je pense de. Des, tu vois, de la. D'utiliser tout ce qui est Instagram, les... Ouais, tu m'avais envoyé un truc qui était sympa. Seconde chance. Ouais, seconde chance, où tu pouvais un peu mettre quel type de chien tu recherchais. Enfin, tu sais, des moteurs de recherche qui aident un petit peu à dire où tu te diriges. Moi, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a plein d'animaux qu'on voit pas et, qui, et que les gens sautent. Enfin, tu vois, dans la forêt, par exemple. Faut faire rencontrer l'offre et la demande, je pense. Ouais, et tout. Et moi, j'ai adopté une chatte noire parce que tous les chats noirs, vraiment, sont les derniers à être adoptés. C'est terrible. Les gens sont cons. Et tu te dis, mais les gens sont débiles. Eh, c'est du racisme pour moi. Ouais. Je vous le dis. Hein. De base, en fait. Juste, puisqu'on parle de ça, je veux juste rajouter qu'en fait, il y a plein de gens qui achètent des animaux en prétextant, enfin en disant ouais mais si j'adopte j'ai peur de tomber sur un animal à problème et tout machin. Faut savoir que bon déjà personne ne croit votre excuse, c'est parce que vous voulez une race en particulier, donc arrêtez de dire ça. Deuxièmement, les assos justement font le travail. C'est pas dans leur intérêt de filer un animal qui va se faire réabandonner dans un mois en fait. Donc et puis pour information, j'ai acheté un bengal à 1900 balles qui est beaucoup plus chiant qu'une petite chatte adoptée en association. Déjà oui, en plus, c'est ça aussi, c'est que t'as aucune garantie que si tu l'achètes, il va pas être chiant quoi. Bah il y a des cons partout hein. Ouais. Et on est tous au fond d'un autre. À ça. Oh là là. Non mais justement, les gens devraient balayer devant leur porte. Mon avis. Moi, quand j'ai adopté Francky, on voulait une autre chienne et ils nous ont dit non, elle en ville, elle sera pas adaptée, elle est trop heureuse. Ah, donc c'est et super. On vous conseille celle-là. C'est l'Apple Store en fait. Non mais ils font en sorte que tu sois avec un animal qui correspond à ce que tu veux et à quel point tu es à l'aise avec les animaux et tout quoi. Sublime. Donc voilà, parce que toi aussi t'as un. Tout à fait. Bah Alice moitié ma binôme a adopté un chien. Mmh. Et du coup c'est trop mignon parce qu'en fait en effet t'as pas le plaisir du chiot trop mignon tout poilu, mais tu t'évites surtout de lui apprendre à chier, à sortir, à pas pleurer, à pas aboyer, qui en vrai le chien tu l'adoptes adulte et l'amour que t'as pour lui en deux semaines, même pas une semaine, tu t'en fous, c'est comme si c'était un chiot tout poilu, tout mignon. Ouais, bien sûr. Je suis bien d'accord. On s'en fout. Tu fais un peu moins de likes sur Insta, quand même, mais l'amour est là, quoi. L'amour tout à fait. Ouais. Et on avait adopté, quand j'étais petit, j'allais souvent au Sénégal parce que j'avais de la famille là-bas, et on avait adopté un petit chat qu'on avait trouvé dans la rue et qu'on avait ramené en France, à Lille où j'habitais. Oh, c'est génial. Ça a dû dépaiser un peu. Sénégal-Lille. Moi, j'ai rien demandé. Le mec est là, il est en total délire. Je ne suis pas abonné. Hein. Excusez-moi, ça caille. Pardon. Après, je dis ça, ma chienne vient de la Réunion. Donc. Excusez-moi, il fait très très froid. Oui, mais c'est pas pareil. Il y a vraiment des chats sauvages qui vivent très bien, quoi, je pense. Mais peut-être pas petit chat. Oui. T'inquiète pas. Non, elle s'appelait, elle est décédée depuis. Mais t'inquiète, elle va bien se marrer là-haut avec Coluche et les proches. Avec les gabons verts, ils traversent Paris en ce moment. Et David Bowie. Et elle s'appelait Tam Tam. Oh. Un peu raciste, mais mignon. C'était l'année d'été. Tellement pas inventif avec les noms des animaux, quoi. En gris, enfin, elle s'appellera Grisouille. En noir, bah tiens, elle s'appellera. Noir, elle s'appellera comment? Attention. Réglisse, j'allais dire. Parce que tout le monde appelle les chattes noires Réglisse. Ah ouais? Moi, j'ai appelé ma chatte noire Réglisse. Ouais. Ah ouais? Et une copine qui a plus sa chatte noire Réglisse. On est une bonne douzaine, on se retrouve les jeudis. Elon Musk a prévenu d'un petit inconvénient qui pourrait avoir lieu lors du voyage sur Mars, parce qu'il a prévu de voyager sur Mars. À votre avis, quel est ce petit J'espère imprévu? J'espère que c'est pas du vomi, sinon on va perdre. De perdre 70% de sa masse musculaire et sa masse osseuse. Hein. Non. De classer étonnement. Non, pas du tout. Tiens, soudainement, j'ai l'air très précise dans ce qui concerne l'espace. J'ai l'impression que j'y connais de ouf. Eh bien, je sais pas, à partir de l'année 4, il n'y aura plus de soupe aux champignons lyophilisés. Non. C'est sûr, pendant le voyage En revenant. Non, c'est pas précisé, je suis désolé. Faudra rester sur Mars après. Jamais. En fait, à la base, vous canez. Je vous explique juste, c'est juste un petit inconvénient. Eh bien, vous revenez pas. Eh bien, Laura a trouvé la bonne réponse. Non. Elon Musk a dit. Je l'ai dit. Oui, c'est vrai. Non, ouais, c'est bah, calmez-vous. Non, ça va, c'est toujours la tire la bourre là. On a la barre, c'est enregistré. Elon Musk, lors d'une interview, a dit un tas de gens vont probablement mourir au début. C'est difficile de vivre là-bas. Moi, j'aurais une intuition, je croirais Elon Musk. Toutefois, il prévient, le voyage sera extrêmement inconfortable, il n'y aura probablement pas de bonne nourriture, mais quand même, cette aventure glorieuse la sera joie une de clamser tout de même. Mais cette aventure incroyable. Glorieuse sera une expérience incroyable. Sachez que j'ai une petite anecdote à ce propos. Oh. Savez-vous que les astronautes qui reviennent d'un long voyage dans l'espace, en général, après, ne font que des enfants filles? À 85%. Quoi? Car les spermatozoïdes qui provoquent les Y, voilà, ouais. Je ne sais plus comment on dit, c'est les X, gamètes, voilà, X, voilà. Triple extension. Eh bien, sont impactés lors de leur voyage, parce qu'il y a quand même tout un tas de conséquences physiques. Hein, il faut savoir qu'un astronaute perd quand même entre 7 à 10% de sa masse osseuse. Qu'est-ce qu'elle s'y connaît, c'est fou. Ce que je veux dire, c'est que du coup, quand ils reviennent, il y a une étude qui a été faite sur le fait que souvent, les bébés d'astronautes sont des petites filles. Eh ben, c'est incroyable quand même. J'ai envie de dire girl boss, voilà. voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Totally. Ménatrache, ménatrache, voilà, je vous le dis. Exactement. C'est, le, ouais, c'est le chromosome Y, je crois. Chromosome Y, du coup. Qui se fait défoncer. Qui se fait défoncer. Parce que c'est les hommes, que... c'est les hommes qui font que... qui décide du sexe en fait. C'est ça. Enfin, savez-vous aussi que ces astronautes là du coup meurent en général d'un cancer très rapidement. Ah, yeah, ouais. Ah ouais, ouais, j'ai les enfants sont donc des enfants abandonnés. Non, c'est pas vrai. C'est parce que et ils vraiment ils ont tout un tas de problèmes après. Mais il y a de santé, il y a plus de cancers. Ah, il y a plus de cancers chez les astronautes. Non. Ah si si. Alors, le dernier vol orbital, c'était quand même un homme qui avait 67 ans. Ok. Ça va, il a bien vécu. Ce qui est énorme. Il s'appelle John Glenn, je crois, et qui a voyagé à 67 ans. Mais Thomas Pesquet, par exemple, il est plus, il va peut-être moins, vivre moins longtemps. Je saurais pas que... te dire, je l'ai pas contacté. Ouais, mais... C'est dernier temps. Bah, si en plus. Ouais. En tout cas, pour l'année, là, il reste 6 mois, donc c'est hyper long physiquement. Ouais, quoi. Il aura fait un an. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'est entre guillemets pas si haut. C'est-à-dire qu'ils sont non, à 400 km en basse orbite en fait. C'est ça, il y a une phrase. Alors, de la tour Montparnasse à peu près. 40 km. Tu peux le toucher. Ouais, tu lèves les bras, tu le touches. Non, mais c'est, il y a une nana sur TF1 qui m'a, la phrase m'a chopé. Nana, j'adore bien. Mais quelle âge nana. Attends, il y avait une nanette sur TF1 à 400 km. J'ai trouvé délire total. Elle était sympa la nanette en plus. Bon, comme ça, paye pas mine, mais. Mais elle avait une phrase super. Elle avait une phrase super. Elle disait à Paris, on est plus proche de la station orbitale que de Marseille. Bah, je mais que oui, c'était une super bah alors, très c'est intéressant. Alors, petit fun fact aussi, hein, ouais. Puisqu'on est là-dessus. Ouais. quand les navigateurs font le tour du monde, genre la route du. Pas la route du Rhum. Le tour de France, Carsozon, ça. Ah, le Vendée Globe. Le Vendée Globe, merci. Il y a un endroit dans le Pacifique où ils sont plus loin de toute Terre. Que les gars qui sont sur orbite. Oh là là. Ah, et c'est un moment qui fait bien flipper ta mère. Ah, ben moi, ah mais moi. C'est pas le Cap Horn. Non, c'est le Cap Horn. C'est au milieu du Pacifique. Ah d'accord, okay. C'est un endroit parce que Cap Horn, t'es pas loin de. Je sais pas où c'est Cap Horn. Moi je sais, je l'entends, mais je sais pas où c'est. C'est Mike Horn, site, non. C'est Mike Horn, le gars. Cap Horn. Pas loin de la Terre. Ok, d'accord. Moi j'imaginais Cap Horn, un site, mais. Oh là là, ça va. J'ai jamais foutu les pieds sur un bateau. Deux Français ont fini aux urgences pour terminer cette section. À votre avis, pour quelle raison? Attends, mais quand deux là, Français. Là, il y a. Bah, ça peut être. Attends, je comprends. Non, mais attends, t'as entendu la question? C'est le pire questionnaire. C'est le pire. Il y a deux Français qui sont allés aux urgences. Savez-vous pourquoi? Je sais pas. Ils ont coupé une tomate et ils ont ripé. C'est une entorse. Une entorse. C'est tellement drôle. Georges a été admis à l'âge de 38 ans. Non, deux Français, effectivement, non, tu as raison. Est-ce qu'ils étaient en couple? Non, deux Français ont fini aux urgences pour une raison un petit peu insolite. Oui, bah, c'est induit. Un peu cochon. Ils se sont. Alors, il y a eu sodomie? Non. Ok. Masturbation spéciale? Non. Mais on est autour insertion, insertion d'objets connexes. Non, pas insertion. Fellation. Il y a un objet là-dedans? Alors il y a un animal. Ouais. Non, quand on dit là-dedans, on parle de quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé le lapin le plus gros du monde. Non. Darius was in a pot. Il y a une insertion. Oh, dans l'urètre. Dans l'urètre. Alors il y a une insertion dans l'urètre, mais pas d'un objet. Du liquide, un liquide. Du liquide salé là. Pour se faire gonfler les couilles là. Non, pas du tout. Pourquoi? Comment? J'invente un bien sûr. C'est un vrai truc. Au hasard, c'est de la solution saline. Il y a des mecs qui s'injectent ça. Sérum fille. Dans les couilles en fait. Adrien vient de revenir des urgences. Et à 85% après, ils font des petites. C'est pour ça que je suis debout. Est-ce quelque chose à manger? Non. Mais c'est un liquide ou pas? C'est une crème, je vous le dis. C'est crémeux. C'est de la. C'est de la crème chantilly. Pas de la crème chantilly. Gel hydroalcoolique? Non, pas du tout. C'est comestible? Ce n'est pas comestible. De la c'est pas crème comestible, hydratante? Mais quel est l'intérêt? Non. La crème hydratante? Gel. Ça change beaucoup de se le foutre dans l'urètre. Enfin, c'est pas comestible ou pas. Quand tu mets saveur fraise, bon, tu sais ça. Et peut-être que. Non! Non, mais. Alors attends, parce que l'urètre, est-ce que ça sort par l'urètre, votre sperme? Oui. Ah donc, tu mets une saveur, il y a un total intérêt. La question, est-ce que ça sort d'ailleurs? Quelle est cette saveur que vous en serrez dans vos sexes? Parce que. Elle est quand même relativement acide. Non, ça dépend des profils. Mais. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, c'est Banofi, moi. Moi, c'était Laura Felpin qui parlait, hein. Notolmen, hein. Notolmen, excusez-moi. Moi j'ai une petite crème Banoffee que je mets. Enfin c'est une lotion. Techniquement c'est une lotion plus qu'une crème. Banoffee, c'est très voilà. Que tu mets un peu sur le torse quand t'es enroué. Oui. Non. C'est dans l'urètre. Moi c'est Limoncello. Est-ce que c'est un truc qui brûle? Alors. Genre du Vix Rhum. Tu sais. Non. Quelle horreur. Alors tu t'as. Du coup tu vas aux urgences quoi. Tu t'approches. Ah. C'est pour soigner un mal en tout cas. C'est pour. Du Voltaren. Qu'est-ce c'est pour faire quoi du ketchup que Alice. Ah, baume du tigre. Voilà. Genre un truc baume sur... du tigre. Non, pas du baume du tigre. Oh, le beau... Mais ça brûle. Ça, c'est pour calmer plutôt une brûlure, justement. Ah, de la biafine. Pas de la biafine. Du bépanthène. Non. Oh, bah attends. Du... Ah, de la vaseline. De la crème solaire. T'es pas, très loin. Homéoplasmine. Je vous la donne. Attends. Baisse ta main tout de suite parce que je vais me vénère. Oh, j'ai envie de trouver. C'est de, je vais vous le dire. Il y en a encore plein de questions pour le directeur. C'était mon anniversaire. 1h20. C'était mon anniversaire il y a deux jours. Mais, à ton avis, les deux mamelles du Floodcast. Bah. Le sperme. Non. Ah non. C'est ni plus ni moins qu'une crème hémorroïdaire. Alors pourquoi? Ah, j'ai failli la dire. Alors parce que ça dilate, non? Je vous explique. C'est pas au constructeur. En fait, ce qui est terrible. Alors, c'est deux Français, hein. Cocorico, c'est deux Français. Et, qui ont été accueillis à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Sachant que mon but dans le podcast, c'est que ce soit des auditeurs de podcast qui étaient un truc, qui se retrouvent dans le truc. Les médecins de l'hôpital universitaire de Strasbourg expliquent comment les deux Français de 30 et 32 ans se sont retrouvés à l'hôpital. Suivant les conseils d'une vidéo YouTube. Je l'adore. Ah, vidéo YouTube. Oui, suivant les conseils d'une vidéo YouTube. De Squeezie, bizarrement. C'est ça que quoi. Les deux hommes ont décidé de s'injecter mutuellement une crème servant à traiter les ecchymoses, les hématomes et les hémorroïdes. Il s'agit généralement d'une pommade utilisée pour réduire les gonflements, mais lorsque les deux hommes se sont injectés la crème, cela a fait gonfler leurs membres. Mais pourquoi? En fait, c'était pour agrandir leur pénis. Oh non, mais quel tristesse. J'ai envie de leur dire, les loulous, confiance. Mais ouais. L'auto-injection de diverses substances pour améliorer la forme du corps, y compris l'augmentation de la taille du pénis, a déjà été décrite dans des textes comme le Kama Sutra il y a plus de 1500 ans. Mais ça n'a rien de médical. Voilà, je vous le dis. Bien sûr. Voilà. Mais c'est très bon pour les cernes, il paraît. Par contre, ouais, ils dorment trop bien. Bah moi, j'ai vachement fait ça et ça marche pas. Et ça marche pas du tout. Bon, alors on se foutu de la crème hémorroïdaire sous les yeux. Ah, ouais. pour les cernes. Fait que tous les matins, on me dit à Golet de moustache, ah, t'as l'air fini, hein. Ah, ne regarde pas, j'ai jamais dit ça, moi. J'ai pas toi. Oui, bah, moi non plus. Je pense à quelqu'un en particulier. Dis-le, ça sera. Ça commence par un. Il s'agit du flow de casse. Écoutez, chers amis, j'ai annoncé votre venue aux auditeurs qui du coup avaient une pléthore de questions à vous poser. La première est pour Mid. Comment expliques-tu, alors on en parlait tout début d'émission. C'est quoi, il y a 6-7 piles, hein. Ouais, comment expliques-tu que ta chanson The Sun devienne virale sur Instagram deux ans après sa sortie? Alors déjà, faut savoir qu'elle est dans l'album. C'est 4 ans après la sortie. 4 ans, moi. C'est pas vrai. C'est 4 ans après la sortie. Le temps passe comme les voitures. Est-ce que tu te l'expliques? Déjà, on a toujours l'impression que quand les morceaux sortent, il faut que dès la semaine de sortie, il y a un peu cette mode depuis le rap, tu vois, que tout devienne des tubes à la seconde où ça sorte. Alors qu'en fait, il y a plein de morceaux qui ont pris leur temps, qui ont pris entre 2 et 5 ans à rentrer en radio, par exemple, tu vois. Bien sûr. Donc, Jordi, quand c'est sorti, il avait déjà 15 ans. Un truc comme ça, c'est vrai? Ouais, non, pas du tout. J'invente, Laura. J'invente. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est un truc que j'ai découvert il y a un mois à peu près. Et qui ne fait que monter. Et on se demande, c'est un mélange entre il fait beau et les gens tapent sun dans leur chanson Insta et qu'ils le mettent. Et du coup, c'est rentré dans les algorithmes Instagram. Oui, parce que moi, ils le proposent tout le temps. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a Je le mets jamais. Je l'ai mis hier. Et surtout que là, j'ai demandé. Parce qu'en fait, Instagram refuse de nous donner les stats. Sympa. C'est trop bien ces entreprises qui utilisent des trucs et disent pas les. Et je vous fais un coup de gueule spécial Floodcast. Ah putain, attention. Ah, vas-y, parce qu'on a gros sur la patate. C'est le jingle. Vas-y. Coup de gueule. C'est le coup de gueule. Coup de gueule. Oh, arrête. Vous ne le savez peut-être pas, mais les artistes ne sont pas rémunérés. Quoi? La musique mise dans les stories Instagram. Putain. C'est vrai. Alors Insta, ça va l'oseille, c'est Facebook, je rappelle, hein. Zuckerberg, t'es nul, mec. Et donc merde. Et donc on peut pas voir les stats et on comprend bien pourquoi. OK. Vous voyez pas, il a remis son masque sur son nez. Non mais en fait ils sont horribles Insta. Hein. Nous, tu sais qu'on discutait de ça la dernière fois avec Anaïd aussi. Pour ce film. En fait, ouais, c'est terrible parce que. Ouais, pour vous voulez film. Qu'on garde. Ouais, vous pouvez, on s'en fout. Et ce parce film, que, ça va. Parce qu'en fait, quand tu ne publies pas souvent. Quand tu fais des pauses et que pendant un mois t'as pas d'inspi et tout, t'es hyper puni par Insta. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais faire des stories et tout, je vois que de moitié les réactions des gens baissent, que vraiment d'un coup j'ai plus personne qui regarde mes stories, j'ai plus personne qui like mes vidéos. Alors que tu vois, mon nombre ratio d'abonnés et tout, quand tu fais une série de 3 semaines où tu fais que des vidéos, c'est abusé comme t'es récompensé quoi. Et là t'es puni. Ouais, on est puni. Du coup déjà, ça te re-rend ouais. accro. Tu te dis ouais, faut que je remette un truc et puis après faut derrière je remette vite non, un truc. Non mais du coup ça fait que tu t'as moins le temps de travailler aussi. Ouais, c'est clair. Enfin, oui, c'est tu clair. Vois, c'est rien ça veut dire qu'il faut que cette, moins bien quoi. Avoir eu cette conversation, on va être puni. Donc il nous écoute, c'est moi j'ai rien dit Insta. Ça me je poste. Mais c'est aussi ce que, enfin, les moi, ça fait longtemps que j'en fais plus, mais les créateurs YouTube critiquent également. Apparemment, c'est ça. C'est que dès que t'es moins, dès que tu postes moins, dès que machin, t'es plus du tout mis en avant. Pour, hein. Ouais, j'appelle ça le capitalisme. Ouais. Putain, mais c'est vrai que tu t'appelles alors, ça comme ça. Et si tu veux pas jouer au jeu, bah tu t'en vas. Oui, mais si tu veux faire quelque chose de qualité, enfin. Oui, ah mais non, ça... c'est pas le capitalisme. Non mais. J'ai détesté et adoré en même temps. T'étais rugbyman pour moi. Pardon. Non mais c'est vrai. Sérieuse. Non mais c'est vrai que c'est assez catastrophique et les comment dire pardon je vais m'y retrouver sur les chiffres par exemple de tu vois quand même le plus de vues sur YouTube ou en stream je vois et en stream que c'est fou ouais. Oui ça monte quand même sur ça les n'a, trucs. Ça n'a, ça, le mais morceau t'es quand même rémunéré avec le stream ouais là avec t'inquiète pas que là oui mais c'est très peu c'est très peu c'est très peu c'est très peu c'est ça. Est-ce que tu vas pourquoi les rappeurs du stream est fort hein, parce que c'est l'oseille mon gars. Et qu'est-ce qui te fait le plus gagner ta vie alors en fait c'est les concerts. Bah ouais, qui... que je n'ai plus depuis un an. C'est ça. Tu arrêtes, tu fais des streams sur Twitch. Même pas. C'est fou. Ouais. C'est pour ça. Ah, hey, stream est fort l'album. Non, stream est fort y a, l'album. Il y a la, y a la, en fait ouais, la réalité c'est que si le nombre de streams, on le faisait en CD, comme si on vendait des CD, oui. Comme à l'époque. Je serais venu avec un chauffeur en bas qui m'aurait ouvert la porte. Et, non, je pense que tu aurais un garde du corps simple. Qui m'attendrait ouais. devant. Moi, je pense que tu serais resté. Ouais, ouais, ouais. Pas non, ça, c'est pas ton style. Maintenant, tu serais venu en Uber. Ouais. Peut-être que tu nous aurais offert une casquette à chacun. Ouais. Le nom de l'album. Certainement venu en taxi. Elle n'existe pas. Peut-être acheter un donut sur McDo. Donc, tu vois le délire. Non, mais donc, voilà, je pense que c'est un mélange d'algorithme, de soleil et qu'en fait, il y a un truc aussi sur les réseaux où les gens, en fait. Moi, je veux pas dire, mais il je voit le morceau, il l'aime bien. Ça, mais tu penses pas que c'est lié à la qualité de ton art, plutôt évidemment, la chanson est chamée. La chanson est chamée. La chanson est vraiment excellente. Elle est excellente. C'est pas que des coïncidences. C'est une pépite. C'était il y a un mois, tu dis. C'était il y a un mois que ça a commencé. C'est quand à peu près il y a un mois, j'ai posté une photo de mon chien au soleil avec cette. Mais c'est pas dire. Bah vous savez, le battement d'ailes d'un papillon peut. Provoquer une tornade. Une tornade. Je ne sais plus la phrase. Est-ce que c'est le morceau je suis un papillon, je suis vraiment de la merde dans cette métaphore. Mais... Est-ce que c'est le morceau, ton morceau préféré que tu as composé, toi? Non. Oh, c'est toujours un peu le dernier qui est préféré. Quoi. Je gifle. J'attends que ça, en fait, qu'on me gifle. Comment vous voyez rien, en fait. Une question un peu pour tout le monde, mais principalement pour Lison et Laura. Comment vous voyez l'avenir sur... Mais non, parce qu'on en parlait un peu. On n'a pas les questions personnalisées en fait. Mais si. Mais on va me dire alors Twitch. Et les Instagrammeux sur demandera. Vous allez voir, justement, c'est extraordinairement intéressant. Okay. C'est nos auditeurs qui posent les questions. Oui. C'est des gens géniaux. Je les aime tous. Comment vous voyez l'avenir sur Insta? J'ai l'impression qu'il y a un peu une explosion des personnages. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer sur autre chose? Est-ce que vous alors je rebondis sur cette question d'ailleurs en vous demandant est-ce que vous voyez ça comme un tremplin vous sur d'autres choses ou est-ce que au contraire vous enfin ça peut être ça ou est-ce que vous aimez aussi la plateforme la liberté que ça offre le fait qu'il y a personne pour aller entre la création et le public tout ça tout ça. J'ai l'impression de pas avoir trop découvert de gens qui font des personnages depuis un sacré bout de temps et effectivement là en ce moment je vois plein de trucs. Ah bon? Qui 2-3 personnes que je commence à voir un peu arriver, qui commencent avec des petits 40K d'abonnés et tout, mais qui commencent un peu à prendre et que tu vois. Je dois dire que parfois, je trouve ça pas plagiat, mais il y a des trucs qui, moi, me stressent un peu dans les personnages. Et en même temps, ça me réjouit un peu parce que je trouve qu'il y a des super trucs aussi, donc c'est très étrange. Mais je pense que ça débouche sur le fait que, surtout, il y a eu un peu une mode du stand-up, ça se calme un peu. Et puis, il va y avoir beaucoup de nouveau des spectacles avec des personnages. Oui, bien sûr. Donc ça va déboucher sur ça pour moi. Ouais. Après, c'est vrai que c'est. Mais toi, c'est une envie, par exemple. Toi, l'idée, c'est de faire un spectacle après. Ah, bah moi, je l'écris là. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc oui, c'est ça. Mais après, c'est pas. C'est aussi trouver ta forme, tu vois, que ce soit pas du personnage pur comme peut-être à l'époque où c'était. Du Muriel Robin, c'était génial, hein, mais tu vois, c'était noir personnage. Ouais. Je trouve que c'est plus intéressant de trouver un liant et de justement d'avoir peut-être parfois des parties stand-up pour pouvoir lier après tes personnages et tout. Ouais, moi, je reçois souvent des messages de gens genre t'as vu il fait comme toi vu plagiat et tout et en fait je les gronde je leur dis en fait qu'est-ce qui m'a piqué, qui, enfin en fait t'as le droit de faire des personnages, t'as le droit de mettre sûr. Des filtres. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est pas du tout, enfin c'est, mais en fait les gens se plaisent beaucoup. C'est vraiment dire que je suis une merde. Non, pas du tout. Ça. Non, parce que. Et moi je non parce que moral en fait. Non, parce que là c'est carrément un concept que t'as inventé, genre la lettre de la marquise, machin. Non, non, mais c'est pas des concepts. Oui, mais tu vois. Si, bon, il y a un malaise, il y a un malaise. Non, pardon, c'est pas du tout ça. Non, mais en fait, c'est chiant parce que après, enfin, je veux dire, il y a que les textes qui m'appartiennent après. Oui, voilà, pour ce qu'ils veulent. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, c'est ce qui me plaît pas, c'est que les gens mettent bien les sûr. Meufs en concurrence. Non, non, c'est bah, comme c'est... si on se. Il y a des gens qui mettent sous des vidéos d'Anaïs ou de Laura. Alors, disons Daniel, copine ou ennemie ou je sais pas quoi. Ça me saoule. Bah c'est atroce. Oui, c'est très français. C'est nul. Très relou. C'est très français. Bon bref. Mais moi ma question à la base c'était surtout. Non mais c'est pas ça. Est-ce que vous voyez ça comme un tremplin sur autre chose? C'est pour ça que je te lançais un peu sur ton spectacle ou même disons toi je suis. Dans 15 ans je suis. Elle est dans Astérix. Mais c'est toujours ce que t'en fais bien sûr. Non mais en fait c'est toujours ce que t'en fais, c'est-à-dire que moi j'ai quand même eu tous mes tafs grâce à Instagram, il faut dire la vérité. D'accord, ok. Franchement alors après non, j'avais pour la télé j'avais fait des pilotes et tout un peu. Ouais ouais. Que bah d'ailleurs auquel vous. Que t'as participé, Adrien, avec Vincent Tirel à l'époque, et on avait un peu sur les pilotes. Oui, bien sûr. Et du coup, j'avais un peu fait un truc filmé pilote et tout, qui était quand même globalement parce que je faisais sur Instagram, tu vois. Et peut-être que si c'était que Insta, ça n'aurait pas fonctionné pour moi quotidien et tout. Mais toujours est-il que après tout ce que j'ai vu, c'était grâce à ça. Et en fait, aujourd'hui, bah, tous les jeunes du cinéma français, les réalisateurs, les machins, ils sont sur Instagram, et du coup, bah, t'as un truc qui fait que c'est devenu de moins en moins touchy de partager des humoristes. Ils comprennent aussi que t'es pas que humoriste. Tu vois ce que je veux dire? Oh, puis c'est super, moi je trouve. Il y a un truc où ça permet de montrer que vous êtes actrice, ouais. Scénariste. Mais ça, alors, actrice, tu vois. C'est... Ouais, mais ça vient dans un second temps pour les gens. Parce que ah moi, ouais, par exemple, le truc de 6 fois confiné, là, ouais. Vraiment, je te dis. Enfin, j'ai eu un nombre de retours de gens qui étaient hyper surpris à tel point que ça devenait un peu gênant. Genre, parce tu que je me disais, jouer, ah ouais, fait. Vraiment? Et ils étaient là. Et vraiment, genre, tu vois, il y a eu une émission là-dessus sur France Culture où la meuf dit à un moment donné, la découverte, c'est quand même Laura Felpin, on découvre qu'elle n'est pas que humoriste et tout. Et là, genre, sans filtre Insta, elle arrive à tenir un texte. Non, mais j'ai payé 25 000 boules d'école. genre, vraiment, renseigne-toi, en fait, avant de dire ça, tu vois. Genre, j'ai bouffé du Tchekhov, ma connasse. Non, mais tu vois, du coup, ça veut pas dire que tu vas bien jouer. Cela mais... dit, elle peut quand même le découvrir, tu vois. Enfin, je veux dire. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que la frontière entre l'humour et le jeu. Finalement, il y en a pas vraiment, tu vois. Non, faire non, de l'humour, oui, c'est bah toujours non. un truc de non, moi, c'est ce que j'adore dans ce que vous faites ou ce que fait Anaïs Rosam ou les autres que j'ai pu voir qui sont cool. C'est il y en a pas c'est d'autres. On est trois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, vous êtes les meilleurs pour moi. Je veux dire. Non, mais ce que je trouve chouette, c'est que c'est aussi parce qu'il y a le fait de le jouer, mais pour moi, c'est même plus l'écriture en fait. Bah oui. Enfin, c'est l'observation, c'est les phrases utilisées, c'est les. C'est ça, moi, je trouve que le plus fort, presque, en fait. C'est, ouais. c'est ce qui touche direct aux gens. C'est le truc ouais. de. Bah, on le connaît ou on la ouais. connaît, tu vois. Ça, je trouve ça vachement bien. Toi, Lison, c'est. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu souhaiterais porter ailleurs ou auquel tu penses ou... Moi, je crois que je vais les laisser là, moi, mes ouais. petits personnages. Ils vont rester bien, bien sages, là. Non, non, moi, je vois ça plutôt comme un genre de CV, en fait. C'est ouais. comme Laura, moi, tout le boulot que je fais maintenant de scénariste, c'est grâce au caractère. Ouais. Ouais. Donc je vois ça comme ça, mais après j'ai pas du tout envie de, enfin je crois que j'ai peur que ce soit une fausse bonne idée en fait d'emmener ouais. Isabelle la bourgeoise dans une série. En fait je crois que ouais. cette oui, grammaire là oui. du filtre ah, oui, et clair. Tout ouais, et ouais. c'est bien parce que c'est court et ouais. c'est bien oui. parce que c'est sur un et sur c'est un, sûr sur et moi plateforme finalement j'ai ça. Pas du tout emmené les personnages de, en non. fait je me suis rendu compte que c'était pas ceux du tout que j'avais envie d'emmener. Bon, il y en a quelques-uns mais qui ont des fonctions ou qui sont pas du tout oui, comme tu disais, que c'est dans une plus grande histoire, toi, oui, c'est encore autre complètement chose. Mais c'est vrai que t'as des fois tu en as, tu as envie de laisser là et tu te dis bon bah elle ça marche parce que vraiment elle a oui, un filtre parce voilà. qu'il y a un truc qui enfin il y a des prods qui m'ont dit genre il faut qu'on fasse la série avec Isabelle en fait, enfin ouais. c'est ouais, genre ça, c'est... moi je trouve clear c'est... crystal ouais. clear. Il y a des gens, il y a pas longtemps qui m'ont demandé si on voulait pas faire une série sur le Bonjour Madame de Cédric. Je me suis vraiment dit qu'est-ce que je vais faire, quoi. Bonjour Madame. Ça ne marchera bah, pas. Il pourrait le dire chez le dentiste. Il pourrait le dire Mid, qu'est-ce que ça t'a fait d'être signé sous le label Headbanger, avec tout ce que ça signifiait, avec son histoire? Est-ce que c'était une sorte de pression pour être à la hauteur? Putain, ça c'est une question bien sérieuse. T'as vu? En fait, là, depuis, alors là on est dans le quart d'heure sérieux. Là, désolé, on est vraiment dans le déconneur. Les autres ils ont des questions sympas et moi j'ai des questions. Arrête. Non, arrête. Attends, l'avenir de Insta. Je rigole. Vous voyez pas mon visage, mais je. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Non, il fait la. Ok, il sourit. Pardon. Bah non, mais je suis ravi, c'est très bien de. C'était un peu Est-ce un rêve que de la pression. Est-ce que ça a mis la pression? Non, non, parce que je suis allé avec de la musique terminée en fait. Ouais. Je suis allé taper avec un CD gravé fini que j'ai donné et que j'ai dit voulez-vous de moi? Ouais. Et ils ont dit d'accord, donc en fait j'étais déjà accepté par la musique, ce qui est le truc le plus important. Ouais. Et donc c'est une famille mortelle. Enfin, moi je suis allé parce que c'était. J'ai toujours bossé en groupe ou en pote, entre potes, entre. Ouais, entre frères. Quand tu venais jouer chez toi, tes potes, il n'y en avait plus par contre. Il fallait juste pas qu'ils rentrent par le jardin. Tant qu'ils faisaient de la musique, ils étaient les bienvenus. Ah, mais, okay. Mais non. Et donc du coup, j'étais ravi d'aller taper à la porte de la famille Headbanger, qui est vraiment une famille et une bande de potes. Bah, c'est là où t'as trouvé Adrien, je crois. C'est ça. Moi, j'étais DJ. Ouais. Petite anecdote, je le place maintenant. Mon voisin fou du dessus a dit au syndic que j'étais DJ et que je faisais de la musique toute la nuit. Voilà. Yes. Oh. T'es un voisin fou. Bah, alors, j'espère. Bon, il y a peu de chance qu'il écoute. Ouais. Mais non, quelqu'un qui se plaint du bruit qui n'existe pas et il a dit et il est DJ, il fait de la musique toute la nuit. En même temps, là, c'est vrai que t'es un teufeur, tu fais beaucoup de teuf. Ah, pas mal, ouais, pas mal. Et vu comme tu portes ton casque là, tu le portes comme un DJ. C'est vrai, c'est vrai. Il a une oreille enlevée, une oreille mise, ça c'est style de DJ. Pour qu'il ressente un truc. Non, mais voilà, je suis DJ donc. je suis DJ. Je donc. Suis DJ. Et juste deuxième parenthèse, c'est bien le cigogno, le petit de la cigogne. Ah, j'avais bon. Incroyable. Ah bah comme quoi, son instinct, faut le suivre en fait. Ça sonnait bien, ça sonnait juste. Fais-toi confiance plus. Question. Cigogno. Question pour Lison Daniel. Alors, encore une fois, on peut couper tout quoi que ce soit, si jamais. Mais ça a l'air intime. Tu as écrit, non, mais tu as écrit sur une. On l'a dit en début, tu as écrit sur une série sur le stand-up. Ouais. Alors, sans trop en dire, parce que la série n'est pas sortie. Elle est tournée ou pas? Elle est en tournage. Elle est en tournage. Est-ce que tu as dû aller dans des salles de spectacle pour t'imprégner? Genre, est-ce que c'est un monde qu'il a fallu que tu étudies, ou est-ce que déjà tu le connaissais un peu? Je le connaissais déjà un peu, et évidemment, je suis allée un peu plus souvent dans des comedy clubs. Au-delà de ça, on parle de plein d'autres sujets que le stand-up. Et en fait, quand t'es scénariste, faut aussi faire des recherches sur d'autres trucs. Par exemple, y a une scène, je sais pas, qui se passe à l'hôpital. Il faut appeler le spécialiste en question et savoir comment est-ce que se passe le truc. Enfin, tu vois, c'est moi, je travail. Trouve que c'est limite le truc le plus cool du travail de scénariste, quoi. Se renseigner sur des sujets qu'on connaît peu, c'est parler génial. À des gens. Bien sûr. Moi, j'avais bossé sur une série où on m'avait fait rencontrer quelqu'un dont le métier avait un rapport avec la série. Ouais. J'ai été très alambiqué parce que je peux pas dire les trucs. Ouais. Et c'était super, quoi. On a passé 2 heures avec un gars qui parlait d'un sujet. Et en fait, c'était un sujet qui, de base, moi, me passionnait pas de ouf. Non, mais c'était pas le grand c'était sujet. C'était pour la flamme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un de passionné est souvent passionnant, quand même. Ouais, donc là, sûr. Le gars nous parlait de ça pendant 2h30 et c'était génial, quoi. Il avait ce truc un peu. Quand même 2h30 peut-être pas quand même. Hein? 2h30. Ah si, mais parce qu'on lui posait une question. Fin, tu, fais, tu l'as déjà dit. C'est vrai. Sur la fin, tu l'as déjà dit au début. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Pardon. Il y avait un truc, je sais plus. Ça me fait penser juste, pardon, une fois j'ai fait du kayak, une fois. Stop. Non, moi, une fois, stage d'été. Et à la fin, le mec qui nous prêtait les kayaks avait une écurie. Et, et en fait, c'était un passionné de chevaux. Mais il parlait comme ça en fait. En fait, il parlait comme ça. Et ce qui était hyper bizarre, c'est que mon mec, en fait. Edouard, le comprenait parfaitement. Et ils avaient une discussion pendant 1 heure. Attends, je vais te dire, quand t'es quelqu'un qui a bonne vie. En fait, j'étais à côté, genre. Quoi? Je me suis vraiment dit. Enfin, je suis débile ou voilà. Je sais pas, ça mais il pardon. Avait un problème de corde vocale ou non, c'était juste. C'est une maladie non, grave. Non, mais c'est... non, pas du tout. Ah, peut-être non, qu'il il a l'habitude. Je crois qu'il était. Enfin, il était intubé, mais je veux dire, c'était pas. Ah, non, c'est rien. Ça peut être esthétique. Tes blagues de validiste. Laura, je t'ai trouvé Champmax dans 6 fois confiné. Ouf. Je me demandais quel était le degré d'impro par rapport au scénario avec William Lebgill. C'est vrai que t'as tourné avec William Lebgill, qui est quelqu'un de très drôle aussi, très fort. Ah ouais, que j'ai qui est super. Est-ce que vous avez un peu improvisé, ouais? Pas du tout. Non, c'est très écrit. Ouais, c'est assez écrit. Hein. Parce que pour ceux qui l'ont pas vu, tu as donc oui, effectivement, c'est un truc très premier degré, mais vos personnages ont un espèce de délire autour de justement prendre des voix, faire des persos. Donc on pourrait ça, croire. C'était très écrit. Ouais. Et ça c'est fou. Ouais, ça c'était très. Tout était très écrit, je crois. On a quand même bossé vite sur une période de genre 7 jours, donc c'était quand même hyper rapide. Dans un appartement où il y avait vraiment pas de chauffage, il faisait moins de degrés. C'était au mois de novembre. C'était horrible. Et plains-toi. Ouais, bah moi j'étais vraiment en short toute la journée. Oui, les gens dans les restos en ce moment. Non mais en fait c'est pas pour être premier degré, mais quand, enfin si je vais être très premier degré, mais quand tu joues avec un corps froid, c'est tellement différent. C'est Lebgill, le corps froid. T'es comme ça en fait. C'est comme ça que t'appelles William Lebgill, le corps froid. Et en fait il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées parce qu'on en a tourné plus que. Mais en fait non, il y a vraiment. Je réfléchis, mais je crois que. Bon, je t'en prie, hein, balance la table. Hein. Elle en peut plus, elle a jeté la table. Pardon, excusez-moi. Elle a jeté la table. Non, je crois qu'il y a vraiment aucune scène d'improvisation. Et d'accord. Les moments parlés sont vraiment très écrits. Et écrire un court-métrage ou un film, c'est des choses qui pourraient... Alors moi, oui, mais moi, je suis très monotache. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un truc après l'autre. Donc là, c'est le spectacle. Donc là, c'est le spectacle. Et après, il y a des projets de plus grands. Très bien. Et toi, Mid aussi, c'est quelque chose qui pourrait t'exciter. Tu réalises des clips ou non, toi, c'est surtout, Non, pas du tout. Et justement, j'essaie de pas trop aller dans d'autres directions. Ça m'excite pas mal, évidemment, parce que le moment où tu dois faire un nouveau projet de Zik, que ce soit un album ou un morceau, quoi, t'as toujours envie d'aller faire autre chose. Et forcément, quand tu... Je sais pas, moi je suis un peu considéré comme le fun, tu vois, le fun de l'électro. Donc en soirée, souvent on dit, bah putain, pourquoi il y a du fun comme ça? Bah, il y a Mid qui vient de rentrer. Oh, t'es chié, putain. Il amène de la sangria à chaque fois, là. Et de l'oasis tropico. Non, donc j'essaie vraiment de me concentrer sur l'Asie et de pas aller trop voir ailleurs pour l'instant, mais peut-être un jour, mais j'ai pas particulièrement envie de faire autre chose que de la musique. Et la dernière fois, je me matais un petit film, et qui sait que je vois pas le Mid dans une pharmacie. Bah oui, il était pharmacien, dans nos jours de gloire. Bah, il en avait parlé dans le podcast précédent. Ouais. Oh, ça m'a fait plaisir. Ah ouais. J'avais dit que t'avais une meilleure carrière d'acteur que moi. C'est pas mal aussi, quand même, de se cantonner, enfin, d'être hyper concentré dans des... Tu vois, il y a vraiment des comédiens qui disent, moi, je suis pas du tout auteur. Et parfois, c'est bien de... Bah, c'est bien qu'ils écrivent pas. Et souvent, il y en a qui croient l'être et ils sont juste acteurs avec des idées. Exactement. Bah, là, tu vois, par exemple, et je fais un podcast en ce moment et je me rends compte que c'est pas du tout ma spécialité et que j'ai pas la vision d'ensemble de ce que ça peut donner. Et du coup, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que quand je veux faire un truc, je veux bien le faire. Ouais. Et du coup, je me dis, bah, ça, par exemple, c'est un truc, si je le fais, je serais hyper entouré avec une équipe et tout, parce que moi, je comprends pas toutes les... Ouais, il y a un peu un truc aujourd'hui où t'as l'impression que... On te donne l'impression que tout le monde peut tout faire et que c'est cool d'être d'un outsider de quelque chose. Ouais. Genre, on a pris Mid pour faire réalisateur de quelque chose, tu vois. Ouais. Ou alors, on a pris Laura pour être DJ parce que c'est trop marrant que... Alors, par contre, je DJ beaucoup. Bah, la Villa Schweppes, je crois. La Villa Schweppes. On a pris Yannick Noah, il faisait du tennis. Chanteur. Mais donc, et c'est pas forcément cool de tout savoir faire. Vaut mieux faire un truc bien pense, ouais, déjà tellement magnifique. Lisons, j'ai vu que tu jouais dans la série Daniel Sorcel. Peux-tu nous en dire un peu plus? C'est une série, je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, mais c'est une série OCS qui est écrite par Agnès et jouée par Agnès. Enfin, Agnès tient le rôle principal. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire. Ouais, c'est super. C'est ça se passe. C'est de la comédie. C'est du 26 minutes pour OCS. Et ça va se passer. C'est l'histoire de Prune qui rencontre un homme plus âgé. Et c'est une jeune humoriste qui essaye de réussir dans ce métier. Ouais. Et il y a des super acteurs. Donc Agnès qui est formidable. Il y a Marie Papillon. Il y a Paul Mirabel, il y a Nordine Ganso, il y a Jonathan Lambert aussi, je crois. Qui est génial. Voilà, il y a des Agnès Sorcel qui est très drôle sur scène aussi. Moi, j'avais eu la chance d'avoir sur scène 5 minutes. C'est marrant, c'est très rigolo. Il y a pas mal de tu peux trouver sur YouTube des trucs qu'elle a fait et c'est moi je connaissais même pas Agnès Sorcel et après je me suis dit, mais comment c'est possible que je l'ai jamais capté alors qu'elle a une série et machin. Mais vraiment c'est fou qu'on se soit jamais, que j'ai jamais su. Non, elle est sur scène, elle, enfin moi je l'ai souvent vue en plateau et elle est très forte, elle est très très drôle. Et la série est super. Ah, t'as pu la voir? Trop bien. Bah, j'ai vu des bouts. Ah oui, t'as vu des bouts. Mmh, ok, maintenant, pas forcément. Un petit peu privilégié, je suis un peu dans les petits papiers. Pendant que tu jouais, je l'ai vu. Non, mais après, tu fais un peu de post-synchro, après, on montre un peu des bouts. Bah, et... C'est moi, le monde du cinoche, de la cinéma, c'est très éloigné de moi. Adrien, est-ce que tu as déjà pensé à te lancer dans l'animation? J'ai l'impression qu'il y a eu cette question il y a 3 semaines. Excuse-moi d'être un peu redondant, ça fait 8 ans que tu fais le même truc que les jolis. Oui, voilà, oui, j'y ai pensé une fois. Oh putain. Non, mais oui, bien sûr. Je vais arrêter de te poser des questions. Mais non, mais j'accepte le fait qu'il n'y ait pas de questions pour moi. Mais non, si, mais, je ne l'ai pas inventé. Non, mais je pense vraiment qu'il y a eu cette question. Tu sais, souvent tes questions, c'est alors la dépression, comment on la fait? Oui, bah super, je préfère. J'ai plus de choses à dire que sur l'animation. Oui, bien sûr que j'y ai pensé. Non, mais je pense que c'est une question par rapport à Twitch aussi, où en fait il y a plein de petits trucs d'animation que tu fais sur Twitch. Mais est-ce que du coup, je pense que plus que écrire des trucs d'animation, est-ce que même faire de l'animation c'est quelque chose qui pourrait t'exciter? Non, parce que c'est très très long l'animation, tu peux pas faire ça tout seul. Ouais. Après, être genre directeur artistique d'une série d'animation, ça pourrait être cool. J'avais des projets évidemment qui sont restés au stade de projet parce que je n'ai aucune ambition et aucun sens de. N'entreprends rien dans ma vie. Très bien. Je stagne. Le sperme et goût, je sombre. Non, et donc voilà, j'ai jamais fait, mais ça, un jour. Quand un jour peut-être. Un jour peut-être, oui. Très bien. Sans doute pas, alors. Et enfin, avant de se quitter, désolé, l'émission a été un peu longue. Il y a vos recommandations. Qu'est-ce qu'on va là Qu'est-ce qu'on est serré? Mid. C'est toujours moi le premier. Mais non, tu veux que je commence? Est-ce que tu préfères que je commence? Je veux bien. Eh bien, je vous conseille un livre qui s'intitule Sans film, sans réalisatrice. De qui, Non. Ah non. Waouh, waouh, waouh. Elle a cru. Non, non. C'est pas JB. Non, c'est pas JB. Mais on l'a conseillé déjà. Sans SANS. Non, moi aussi, sans film exclusivement masculin. Et alors, vous serez surpris, il y en a quelques-uns. Non, c'est sans c'est film. Rareté, c'est. On a trouvé sans film, sans réalisateur. Vraiment, on a cherché beaucoup. C'est un livre de Véronique Lebris. Alors, d'ailleurs, c'est pas ça le titre, pardon, c'est 100 grands films de réalisatrice. J'ai dû faire effectivement un truc dans mon cerveau avec le film de JB. 100 grands films de réalisatrice, de la fée au chou à Wonder Woman, quand les femmes s'emparent du 7ème art. Pourquoi je vous conseille ce bouquin? Parce qu'en fait, c'est assez intéressant. De connaître qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression elle fait des stories, tu fais des stories après, donc d'accord, très par bien. Ailleurs, elle est très réseau social. Non, mais là, vous étiez vraiment comme des vieux de. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi sur ton téléphone? Tu fais des TikTok. Tu fais des TikTok. C'est des TikTok. Non, mais voilà, c'est un bouquin vraiment bien parce que, bon, déjà, outre le fait qu'il y a plein de grands films qui sont mis en scène par des réalisatrices et parfois on ne le sait pas, je pense à Catherine Bigelow qui avait fait Point Break, je pense à Vorace qui est un film des années 90. En fait, c'est. Moi, je sais que. Souvent, je suis un peu paumé, je sais pas, je pourrais pas citer des films faits par des femmes. Et c'est vrai qu'il y en a plein des géniaux, et donc là, il y en a 100 qui sont vraiment cool et qui partent de Alice Guy dans les années au tout début de la Gaumont à aujourd'hui, les la derniers. La fée au chou. Exactement, jusqu'à aujourd'hui avec les gros blockbusters. Encore récemment, l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour Nomadland. Donc voilà, c'est un bouquin vachement cool, préfacé par Julie Gayet. Et il y a plein de petits conseils. Et donc, du coup, si moi je trouve que dans cette ère où nous sommes flagellés de contenu sur tous les trucs, c'est cool d'avoir un bouquin qui donne envie de voir des films avec des vrais arguments en fait, avec une vraie description de pourquoi c'est cool, pourquoi on vous invite à le mater et tout. Donc, c'est un super bouquin de Véronique Lebris que je vous conseille. Oh, magnifique. Voilà. Adrien. Alors, moi j'ai deux podcasts. Alors, j'espère que je l'ai. J'ai pas déjà recommandé. Après tout, on me pose les mêmes questions, donc c'est pas grave. Non, il y en a un qui s'appelle. Gameplay. C'est un podcast donc audio sur les jeux vidéo. Qui est assez intéressant, qui aborde. Bon, faut aimer les jeux vidéo, bien sûr. Notamment, il y a un épisode sur le jeu NBA Jam. Alors, bon, je suis vieux, donc moi, NBA Jam, c'est mon enfance. Qui est très intéressant. Notamment. Et tu jouais à la NBA avec les Daft Punk aussi, je me rappelle. Comment avec ça tous les gens que tu connais grâce au. Oui, à oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Thomas, oui, bien sûr. Non. Ah non, ça, Guiman, fait. Guiman. Bien sûr. Non, et notamment, j'ai appris que, en fait, quand ils ont fait le jeu NBA Jam, ils voulaient. Donc, ils ont acheté les droits de la NBA. Et en fait, à l'époque, il y avait les droits de tous les joueurs de la NBA. Et à part les droits de Michael Jordan, qui coûtait à peu près le même prix en fait. Donc on va plutôt acheter tout le monde sauf Michael Jordan. Et en fait, le jeu a cartonné de ouf. Et du coup, il y a quelqu'un qui bossait pour Michael Jordan, une fois que le jeu a fait des milliards de revenus, qui a appelé les développeurs pour dire bah en fait, Michael, il est trop deg de pas être dans le jeu et tout. Et du coup, ils ont créé une version de NBA Jam avec Michael Jordan. Qu'ils ont offert à Michael Jordan. Donc il y a une version de NBA Jam avec Michael Jordan. Sublime. qui est chez Michael Jordan. Qui a un exemplaire unique. Voilà. D'accord. Donc j'avais trouvé ça ouf. Et un autre. T'as gâché un peu l'épisode. Un peu, parce que c'est la fin. Non, je sais plus. Non, mais c'est très intéressant tout de même. Et après, il y a l'épisode suivant, c'est une interview du mec qui fait les voix. D'accord. De commentateur qui a après eu une carrière. Et c'est intéressant c'est parce Pierre que Ménès, le mec, il a un malheureusement peu, Pierre Ménès. Hélas. Non, et un autre podcast qui s'appelle Imaginary Worlds. Okay. Et donc, il parle des mondes imaginaires au sens très large. Et donc, c'est assez intéressant. Ça parle aussi bien des jeux vidéo que des livres du cinéma, des jeux de rôle, etc. Et c'est toujours un point de vue assez intéressant. Alors, c'est qu'en anglais, les deux que je recommande. Notamment, il y a un épisode qui s'appelle. Mais je crois que Laura et Lison sont bilingues. Hein. Bien j'ai sûr, entendu tout à l'heure. Entendu des accents pas dégueu. Yes, yes, we are, my darling. No problem. Understand English? The old lady English, right? Mais il y a quelques vieilles femmes, mais pas Thomas. Non, et notamment, il y a un épisode qui s'appelle The Monsters of 2020, enfin les monstres de l'année 2020. Et c'est assez intéressant parce qu'il parle du Covid et il parle d'autres trucs. Enfin bref, c'est assez intéressant. Et notamment, ils font un parallèle entre le Covid et le film Les Dents de la Mer, en fait. Parce que Les Dents de la Mer, c'est un film où, en gros, il y a un scientifique qui dit « Non, mais attention, là, il y a un danger. Vraiment, il faut faire sortir les gens. » Et t'as le maire de la ville qui dit « Mais non, c'est bon, les gens, ils veulent s'amuser, etc. » Et une fois que... C'est Balkany, le maire, là ? Bah non, c'est Macron, le macronavirus. Oh. Et donc, c'est assez intéressant, il faut en parler de là-dessus. Et voilà, c'est... Voilà. Sublime. Mes deux recos. Parfait. Lisons. C'est pas très original, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais si vous n'avez pas vu Hippocrate, Oh oui. La série Canal, la première saison est déjà formidable et la deuxième saison est incroyable. Incroyable. Okay. De d'écriture, de justesse, de jeu. Des acteurs, Thomas Litty est un excellentissime directeur d'acteurs. Enfin, je le connais pas perso, mais c'est très bien. Mais et c'est vraiment excellent et ça donne une bonne idée aussi de ce qui se passe à l'hôpital en temps normal déjà. Et enfin en temps normal. C'est ça donne une situation la pêche, assez. Non, bah, ouais. Alors ça donne pas du tout la pêche. Mais c'est tellement beau et c'est tellement intelligent que. Mais ça donne pas la pêche et en même temps, je trouve qu'il y a une humanité dans cette série sur les personnages et enfin, je trouve qu'il y a une idée géniale de scénario au début de la saison 2, c'est pas spoilé. C'est il y a une fuite d'eau énorme qui fait qu'ils sont obligés de machin. Donc juste évidemment la métaphore de l'hôpital prend l'eau, ils tout sont obligés de mettre les urgences dans le service des internes. Exactement, et juste ça je trouve c'est une idée géniale, dire voilà l'hôpital prend, qui est globalement bien réalisé, bien joué et tout, c'est la pêche aussi, même si le thème n'est pas forcément Là il y a des personnages, enfin là il y a un nouveau personnage, il y a genre Bully Lanners qui est incroyable, son personnage, et un lapin géant, et un lapin géant, on y revient, putain c'est lui qui l'a volé. C'est Thomas Lilti qui l'a foutu dans son film, putain il a foutu dans sa série, et non c'est vachement bien. Et puis Darius on the French TV. Oh, the guy from première année. ouais, non, super Hippocrate. Voilà, excellent. Et puis voilà, ça donne, comme c'est très réaliste, ça vous donne aussi un petit aperçu de ce qui se passe dans la tête des médecins. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Genre H en fait. Ouais, quasi. C'est H avec un peu de violon, mais ouais, c'est H. Mid. Je vais vous parler de gastronomie. Ah, mais j'adore bouffer. Moi j'ai faim en ce moment, je suis super gourmand alors que c'est censé être le moment des régimes, du soleil, Il n'y a plus ça. Si t'as un body, t'as un summer body en fait. Il n'y a plus les régimes. J'ai découvert une spécialité réunionnaise que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le rougail saucisse. Le rougail, j'en ai mangé toute mon vie. Et ben j'en avais jamais mangé, j'ai découvert ça la semaine dernière grâce au sandwichier qui est au coin de la rue où je travaille, de mon studio, qui est rue Charlot dans le Marais. Bien sûr, on l'embrasse. Qui s'appelle Caractère de Cochon, qui font des sandwichs incroyables, des charcuteries incroyables. Je vous invite, c'est un peu parisien, mais... Oui, mais bon, après... Je vous invite, on l'embrasse, et il m'a fait découvrir le rougail saucisse, qui est incroyable, et que je vais dans un sandwich ? Non, pas dans un sandwich. Quand même. Il a en plus quelques plats, des choucroutes et ce genre de... T'adores, toi ! Oh là là ! Oh, tu parles Et toi, là-bas, t'adores ça, toi ! Et donc, le rougail saucisse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de... mélange de saucisses, de tomates, de poivrons pimentés, c'est un délice. C'est excellent. Tu m'as donné faim. Moi, je peux pas dire, mais tu m'as donné faim. Et je vous invite, je vais essayer de faire la recette chez moi. Je suis très très très mauvais cuisinier, mais ça m'a donné envie de le faire moi-même. Pas un conseil, il faut éplucher les tomates. Il faut éplucher les tomates. Épluche les tomates et mets beaucoup de gingembre. Oh, oh là là, du dos. Voilà. Oh là là, du ça c'est gratos. Foutrez-le à la bouche. En fait, j'ai de la famille qu'avec Madagascar. C'est vrai, de base. De base, mon père. Donc. J'ai mangé des achats et du rougail depuis que toujours. D'accord. T'as la chance, j'en ai jamais mangé, moi je me rends compte. C'est excellent. Et ben c'est. Par rapport à la bouchée à la reine, c'est mieux ou moins bien? Par rapport au gougère au fromage. Tu le mettrais où? Au coca. Dans un saladier. Du coca dans un saladier, c'est mieux. Laura Felpin. Toujours sur les réseaux, celle-là. Non, pas du tout, j'étais en train de regarder justement le. Elle envoie un texto à Florence. Mauvaise langue. Tu te rappelles, les César a dit. Foresti. Attends, non. Alors, j'ai deux recommandations. T'en supplie. La route sauvage, vous l'avez vu, qui s'appelle Lean on Pete, qui est réalisé par. Merde. Voilà, je l'ai plus. C'est pas en grave. En tout cas, c'est pas Clint grave. Eastwood, la route sauvage. Clint Eastwood. Ça s'appelle Lean on Pete si vous voulez le voir sur une plateforme. La route sauvage. Ouais. Incroyable, génial. C'est quoi voir. Ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va se retrouver seul. C'est assez sombre hein, quand même, mais il se rapproche d'un. Il va s'occuper de chevaux dans des écuries. Et en réalité, il comprend que les chevaux desquels il s'occupe, dont un en particulier qui s'appelle Pete, et Lean on Pete, va être abattu parce que c'est un cheval de course qui sert plus à rien. Oh. Et lui, il part avec ce cheval. Oh. Et c'est génial. C'est un road movie superbe, c'est sublime. Okay. Et vraiment, c'est très très beau. Et c'est JB de Test Form de Click qui me l'avait recommandé. Et enfin, qui en avait parlé, je crois. J'avais vu le film, j'avais trouvé ça super. Donc vraiment, je le conseille. C'est d'une poésie absolue. Magnifique. Et je trouve que poésie et absolue, ça donne quand même un côté très France Culture. Bah, on a tout de suite envie de regarder. Hein. Ensuite, je conseille l'Instagram de Kim Kardashian. Non, pas du tout. Je conseille. Elle est milliardaire, Kim Kardashian, depuis récemment. Ah ouais, et j'ai vu qu'il y avait genre des gens qui étaient trop contents. Je trouve ça génial d'être trop content qu'une meuf, cool, que n'importe qui soit milliardaire. Trop bien, je suis tellement content pour toi, la chance. Tu n'es plus que seulement millionnaire. Je savais que c'était pas simple pour toi ces dernières années. Ça me touche au cœur direct. Et le deuxième truc, c'est un podcast dont vous avez peut-être déjà parlé qui s'appelle Qui est Miss Paddle, qui est génial. Ah ouais, qui est un podcast de Judith Duportail. Et en fait, en gros, c'est le pitch de base, c'est une nana qui voit que son mec a liké une photo d'une meuf sur un paddle. Et ça l'énerve de ouf parce qu'elle se dit, c'est qui cette Miss Paddle en fait. Ah, c'est et génial. C'est génial parce que la fin est assez inattendue et qu'elle a peut-être. C'est plus Kim Kardashian. De que Miss Paddle. C'est de la fiction ou non, c'est un c'est vrai vraie histoire. Ah, c'est trop bien. Et c'est génial. C'est fiction, est-ce que c'est raconté de façon fiction ou elle pas du tout. Elle raconte, c'est en 6 épisodes de à peu près, que je te dise pas de bêtises, de à peu près 15 minutes. Okay. Entre 10 et 15 minutes. Et franchement, c'est super parce que. Bah, elle raconte à travers ça l'histoire qu'elle a eue avec son mec et pourquoi ce qui est important, c'est pas qui est Miss Paddle en fait. Quoi. Oh. Et donc c'est super. Le dernier épisode, moi, m'a foutu la chiale et tout. Je me souviens jamais des fins, c'est horrible. Tu pourras me redire. Bah, elle meurt quoi. Je me souviens c'est jamais non, des fins. C'est pas parce que c'est vraiment trop non, joli. Mais non, mais tu me diras. Ouais, en, attends, en off. En off. En off, bien sûr, évidemment. Moi, des fois, je me demande sur. J'ai des potes qui like les photos d'Emily Ratajkowski. Ouais. Lucien, c'est Lucien. C'est Lucien, mais. Et j'ai un peu envie de dire. Bon, je crois que c'est bon, elle sait maintenant. Ouais. Enfin, tu sais, tu peux arrêter de liker les photos. Il y a genre 4 milliards de oui, personnes. Mais tu likes pour c'est toi. Vous likez, vous, les photos de jolies filles comme ça? Je veux dire, non. Genre Emily Ratajkowski ou Kim Kardashian, tu vois ce que je veux dire? Non, moi, je. Et alors, c'est un truc un peu nulos, mais ma meuf avait lu un espèce d'article sur. L'exploreur de votre conjoint ou un truc comme ça. Genre, ouais. Tu sais, le côté exploreur de, qui sont ce que te propose Instagram ouais. Et qu'apparemment il pouvait y avoir des trucs un peu fous. Et moi j'ai regardé, mon exploreur c'est des chiens marrants ouais. Et des, comment ils s'appellent ces bestioles, ces espèces de gros cochons d'Inde, les capybaras. Les capybaras. Ouais. Capybara, ouais. C'est assez rassurant. Qui sont sur le dos. Donc c'est pas un Instagram de gros baiser de mon bah, côté. Vraiment, mon mec il y a des baskets et des culs. C'est vrai. J'ai fait bon, c'est des baskets et des culs. Ouais, c'est un dessin animé, je crois, qui vient de sortir. Ouais. Donc voilà. Bon. Et bah super. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Je fais un dernier tour de table. Donc Mid, ton premier album. Tout à fait. Born a Loser. Tout à fait. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des cadeaux? Il y a des oh cadeaux. Là, trop. Oh là là. T'es tellement poli, putain. Alors, putain, tu nous régales. Tellement plus poli. Oh oh. Mais non. En fait, je vais chier sur moi, tu m'entends? Mais oh non. Ouais, t'es trop j'ai sympa. J'ai le vinyle. Mais non. Et j'ai un stickers pour ici. Hein, vous je l'ai déjà, moi, le stickers, mon pote. Moi, je suis trop content, mais merci super, beaucoup. Tu peux ouvrir, hein, il y a plein de surprises à l'intérieur. Oh, c'est... oh quel régal. Il vient d'offrir le vinyle à l'émission. Tu es le premier invité qui offre un cadeau. Mais moi, c'est très plateau télé, ah non, tu vois, non, de tu donner le truc. Laura a ramené un coca, mais elle n'a pas partagé. En même temps, un CD. Alors, le vinyle, il est toujours beau à avoir. Le CD, je ne sais pas si vous avez des lecteurs de CD quelque part chez vous, mais. Moi, j'adore du PS4, non. Des trucs comme ça. Non, mais écoute. Je ne vais pas te mentir, je l'écouterai sur Spotify. C'est pas bah, la même qualité. Beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Mais je veux une casquette à l'occasion si tu as une casquette. Mais j'avais. Tu me dois un t-shirt déjà depuis 3 ans. C'est un règle, j'ai l'impression. Laura Felpin, donc 6 fois confinée sur Canal+. Toujours, always. Toujours sur Insta et toujours spectacle. Alors est-ce que ton spectacle sera prêt à la réouverture des salles ou est-ce que oui, t'as. Oui, on commencera bientôt à vous donner des dates, mais à vous donner. Quand des le dates. Gouvernement nous mais le dira. Mais non, nous on commencera. On s'est fait large pour pas oui. Être trop. Tu veux pas là, trop être à 30%. On commencera, je pense, début octobre à d'accord, tourner en super. France et après on s'installera à Paris vers janvier. Génial, ouais. Trop bien. Donc, une belle nouvelle aventure, Laura Felpin. Toi, j'ai l'impression. Voilà. Tu connais ma puce. Et bientôt en tournage aussi. Oui. Oh, fais pas genre, t'as posté ton nom sur Insta. Ah, ça j'ai pas. Fais pas oui, genre, c'est pas un secret. Non, oui, fais pas genre, fais pas genre, c'est bientôt un secret. Bientôt en tournage, effectivement. Bientôt en tournage. Astérix. Astérix. Et Obélix. Et Obélix. Ouais, oui. Trop bien. Trop bien. Lisons. Oui, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je suis en train de tourner un film que j'ai coécrit avec Alex Lutz, oh, Arthus Anigou et Thomas Poitevin. Oh. Bah, franchement, je l'ai pas. Alors, j'ai fait des recherches sur chacun, je l'ai pas trouvé ça. Tu vois. Bah, c'est pas normal, c'est un petit exclu, un peu. C'est une petite exclu, ce serait ça une fait carte. Plaisir. Je crois. Oh, putain, peut-être ça se trouve, j'ai pas le droit d'en parler. Oh, c'est vraiment sur Insta tout le temps là. Ouais, c'est Insta tout le temps. Tu as une semaine pour vérifier. Et il y a un casting zinzin ici. Ah ouais. Ça, je pense que tu n'as pas le droit de dire. Mais zinzin. Mais déjà, Alex Lutz, c'est charmé. Guy était un film génial. J'avais ouais, adoré. Exceptionnel. Ah ouais, exceptionnel. Ça et, voilà. Et cette personne est vraiment formidable. Et Arthur Sanigou, son co-auteur, est formidable aussi. Oui. Ouais. À moins. Non, je rigole. Alors, non, vraiment, il est ah, j'ai génial, Arthur. Et donc, tu joues dedans aussi. J'ai un petit rôle dedans, ouais. Mais quand tu vois le reste du casting, ça me vexe pas. D'accord, ok. Voilà. Bah, il y a Adrien déjà, je crois. Non, dans tous les non. Rôles avec des moustaches, des PO. Non, mais moi, je l'ai coécrit et j'ai un petit rôle rigolo dedans. Très bien. Super. Bon bah voilà, Adrien, toi ouais. Twitch toujours. Après m'avoir humilié sur le fait que oh, j'ai pas ça drôle. Va. Non non, donc bah, la bonne auberge. Film d'animation toi, non ? Oui, c'est ça à fond là en ce moment. Non, bah la bonne auberge. La bonne auberge bien sûr. Hors de lui qui va sortir en septembre, je crois. Ah, t'as une date ? Je ne l'avais pas dit la dernière fois. Moi, j'invente. Ah, Hors de lui avec de Baptiste. Donner un peu de contenance, j'invente des dates parce que sinon ça fait vraiment trop lointain. C'est Baptiste qui a réalisé, c'est ça ? Écrit et réalisé par Baptiste Lorbert avec Ramzi Bedia dans le premier rôle. Trop bien. Je joue un énorme beauf. Et quel bonheur. Trop quel bien. Bonheur, bien sûr. Quel bonheur de jouer un énorme beauf. Est-ce que t'es content ? Je suis très content. C'est super. Je suis très content. Enfin, je suis très content. Oui. Enfin, pas de ce film, oui. Ouais. Enfin, de cette série, pardon. Et puis toujours bah, Les Vedettes, le film du Palma Show qui bien sortira. Sûr. Quand les cinémas le permettront. Oh là, c'est l'embouteillage prêt, là. Hein. Où là, je joue un énorme beauf aussi. Mais c'est un peu nouveau, tu faisais pas les beaufs. Ouais, non, là, il y a un virage. Bah non. Ouais, non, c'est vrai. Tu faisais non. Moi, j'étais toujours. Moi, oh, je faisais quand même les collègues du bureau. Ouais, mais il y avait le sarcastique, il y avait Attends. Le débile. Et là, je trouve que le beauf, c'est un peu. C'est une déclinaison. Il y avait le beau gosse. Non, non, non. Le super héros, non, ça non. Franchement, merci Eleonore Coste de m'avoir donné le seul rôle où les gens. C'est vrai, dans Fantasme, toujours sur YouTube. C'est trop bien. T'es trop bien dedans. Fantasme. C'est vrai. Et toi, Flo ? C'est quoi l'actu ? C'est quoi l'actu ? Alors, moi, j'ai écrit. Alors, j'ai vraiment écrit trois vannes, mais j'ai écrit des petites blagounettes dans l'émission d'Amazon, là, LOL. LOL ? Avec voilà. Bérangère avec qui Bérangère. A perdu très vite. Qui a perdu très vite, qui a pété. Plaisant, je regarderai jamais. J'ai commencé à regarder. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que moi on m'a envoyé Flo, je suis un peu gêné, les blagues elles sont pas ouf. Je suis genre bah, évidemment. Enfin tu vois, il y avait un truc de ouais. Si tu veux faire rire des gens enfermés dans une pièce, ils vont beaucoup plus rire à des paix que à un sketch de Farid, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. Donc, moi je ris de toute façon plus à des. Non, je rigole. Non, mais du coup, c'était écrire des trucs très bêtes. C'est Ken qui m'avait demandé, j'ai écrit ça avec Freddy et Navo, donc on a juste écrit des blagues très très bêtes et c'était très attends, cool à faire. Qui t'a écrit pour dire ça? Comment? Qui t'a écrit pour dire les blagues qui sont pas qui t'invite? Ouf. Non, mais des gens sur Insta. Mais non, c'est incroyable. Un monsieur aussi a écrit dessus. Oui, exactement. Exactement. Non, mais un gars, c'est trop c'est marrant. Fou, que... dire, c'est nul ce que t'as écrit. Non, mais laisse-moi mais tranquille. Mais c'est toujours ce truc du public qui se croit tout permis avec les réseaux sociaux. C'était Camille, tu devrais pas le mettre sur ton CV, il a mis comme phrase. J'étais genre. Bloque-le. Bon, qui tu te prends bloque-le tout de ouais, suite. Est-ce, est-ce que vous êtes pour ou contre ce truc qui a fait Yvick, qui est, tu sais, tu ne peux pas faire en sorte que les gens t'écrivent si tu ne les suis pas. Moi je le fais de temps en temps moi. Quand peu, je suis pas dans le mood à parler à tu peux le faire confronter. Ouais. Ouais. Et du coup est-ce que vous pensez que c'est un peu genre un affront à dire bah vous me suivez mais en fait moi je suis pas ok que vous m'atteigniez. Je sais pas. Non mais il y a pas d'affront parce que en fait, je me pose vraiment la question. Ça, déjà ça dépend du niveau de célébrité tu vois je pense. Et l'autre truc c'est que par d'autres personnes non, par rapport à toi qui est personne, je veux dire, Laura. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais j'avais bien compris. Non, t'inquiète pas, ouais, ouais, pas non, ça que je voulais dire. Dire ouais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que y a des... même le public parfois préférerait ça plutôt que ne pas répondre. Enfin, moi, déjà, j'ai des gens qui me prennent mal que je leur réponde pas, alors que c'est juste, je sais pas quoi leur répondre. Mm. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de messages, mais quand j'en reçois, des fois, juste, je sais pas quoi répondre, donc je réponds pas, tu vois. Tu likes pas, tu mets pas un petit. Non, mais je suis une zinzin, moi. Non, mais je parle ça. En DM. En DM, c'est dit. Ouais, moi, je suis une zinzin, j'ai trop peur de les laisser. Peut-être dans le folie. Quand on regarde une vidéo de toi, elle répond toujours bien aux commentaires et tout. Je me dis, mais elle est géniale. Pas à tous. Mais quand même, ça, au départ, tu réponds un peu. Ça veut dire que t'acceptes je tout réponds ce que au co- je réponds mais, aux copains. Mais, oui, mais des trucs, non, mais des trucs sympas, pas des trucs que je dis ouh, pas forcément. Tu te dis ouais. Oui, salut, ça va. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est mais j'ai, en fait, j'ai très très peur des gens qui se vexent. C'est vrai. J'ai peur de vexer les gens. Bah, t'as pas eu peur tout à l'heure quand tu m'as traité de merde, hein. Non. Non, mais je me suis mal exprimée. Je rigole à peau. Arrête, je vais y penser cette nuit et tout, c'est horrible. Cher Laura. Bon bah voilà, bah merci beaucoup. On se retrouve à bientôt. Merci en tout cas d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, c'est très plaisant. On a super bien endroit, super table. C'est vachement joli. Les chaises, elles sont quasi neuves en plus. Elles sont assez agréables. On veut dire, on est on a un peu chaud. On a un peu quoi, chaud. C'est du velours gratté ça. Ça c'est ouais. Bah après voilà, c'est tu sais c'est chiné hein. C'est chiné. Ouais, ça c'est coûte chiné, rien, ça. Rien du tout. Bon bah bisous tout le monde. Merci. Bisous. Merci. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.